3, 2, 1. Knicks on Friday night. MSG is the place to be. Oh no. On Monday, and it was on Tuesday, and it was ooh, on Wednesday. Gave her what she wanted through to Sunday. Et pas un jour, pas une semaine sans qu'on parle des New York Knicks. On est de retour, les Media Day. Et ben oui, si c'est valable pour les Knickerbockers, c'est valable aussi pour la KNF. C'est le retour de l'émission hebdomadaire Have a Knicks Week sur KNF TV, le rendez-vous de tous les lundis 18h30 sur votre chaîne, sur votre, notre chaîne. Bon, c'est la nôtre, c'est la vôtre, c'est la chaîne de tout le monde, la chaîne YouTube de l'association. La chaîne de tous les fans de Knicks. Français. De tous les fans francophones, tous ceux qui se respectent, qui se revendiquent fans d'Enix. Si vous ne suivez pas, je comprends pas. Vous allez regarder quoi, les autres gens qui parlent d'Enix? Nous, on parle d'Enix non-stop, toutes les semaines, tous les jours. Bon, bref. Seb, de retour, le Choupix, comment vas-tu? Écoute, ça va super. Après cette longue pause estivale pendant laquelle nous n'avons pas vraiment fait de facecam, on s'est parlé, on a échangé, parce que comme on le dit, hein, pas un jour, pas une semaine sans qu'on parle d'Enix. Ça n'a pas vraiment été mis en repos tout ça pendant l'été, mais là on reprend nos bonnes vieilles habitudes. Pour une nouvelle saison, tu m'accompagnes, donc j'espère que tu es frais et prêt pour attaquer cette nouvelle saison après un été qui était riche quand même. Hein. La saison qui nous amène au titre, tout simplement. Et si c'était ça? Et si c'était ça? Et bien si c'était ça, faut pas louper les épisodes, parce qu'il va se passer beaucoup de choses, il se passe toujours beaucoup de choses. Vous savez, on va avoir encore, comme d'habitude, beaucoup de choses à se raconter. La vie d'un fan de Knicks n'est jamais un long fleuve tranquille. On a eu un été qui était pas reposant, hein. Il y a eu beaucoup de sports, on a eu un été olympique, on a essayé d'en profiter un petit peu de notre côté, on a pu croiser des Knicks fans, on a pu voir aussi Seb sur une émission il n'y a pas très longtemps pour parler un petit peu bout de carton, pour parler d'une de tes passions, d'un de tes hobbies, enfin ton hobby, le hobby, la collection des cartes de basket. Un jour peut-être ici on en reparlera, pourquoi pas, qui sait, hein, on verra. mais voilà, c'est un plaisir en tout cas de vous retrouver, j'espère que vous êtes contents aussi de nous retrouver. Installez-vous bien, il y a un bon petit programme, il y a pas mal de choses à raconter sur l'actualité d'Enix, sur l'actualité de l'association aussi. J'espère que vous avez suivi les premières annonces. Si on n'était pas sur YouTube, c'est qu'on a travaillé en coulisses, vous le savez, pour préparer pas mal de choses pour cette nouvelle saison associative. L'Enix nous propose, nous annonce une belle saison sportive, on devrait vibrer pas mal. On va essayer de les accompagner comme il faut, encore une fois, pour cette nouvelle saison 2024-2025. Donc voilà, soyez au rendez-vous. Nous, en tout cas, on était excités de reprendre tout ça. Donc on est ravis de vous retrouver. On perd pas plus de temps. On lance le petit jingle et on regarde ce qui s'est passé pendant ces dernières semaines. C'est parti? Allez. Allez, let's go, on est parti. Épisode combien? 96, 97? Ouh, la centième est pas très loin. D'ici là, on lance le jingle et on regarde ce qui s'est passé sur les dernières semaines avec des annonces aussi pour la KNF. Oui, oui, oui. Allez, c'est parti, on lance le jingle. Cette saison encore, la KNF repart en voyage. Alors, êtes-vous prêt à décoller? En janvier 2025, on reprend la direction du mythique Madison Square Garden et pour une occasion unique, assister en live au MLK Day. Une date incontournable pour tout fan NBA et un moment de véritable commémoration. L'occasion aussi de voir les premiers pas du dernier first pick de la draft au MSG. Ça, c'est pour côté Cocorico. Mais quand New York reçoit Atlanta, c'est aussi avec Trae Young. L'ennemi public numéro 1 sait toujours jouer avec le public du Garden. Et le public du Garden le lui rend toujours très bien. Ambiance de folie assurée pour cette toute première affiche. Mais attendez, c'est loin d'être fini. Le lendemain, on change de quartier. Quelques stations de métro, on traverse le pont et on descend à Brooklyn. Là, au Barclays Center, c'est le derby de la ville. Pour la Rivalry Week, les Knicks jouent avec leurs voisins des Nets. Des matchs jamais vraiment comme les autres. Un public new-yorkais à chaque fois présent en masse pour soutenir son équipe. Et des rencontres qui nous réservent toujours leur lot de surprises. Alors, qui va s'imposer à New York cette saison? Hey buddy, Knicks and Nets, Miami Heat. You're lucky. Maintenant, accrochez-vous, parce que le second voyage qu'on vous propose est encore plus intense. Cette fois, en mars 2025, on commence à l'extérieur. Comme LeBron, on pose nos valises du côté de South Beach pour retrouver nos meilleurs ennemis du Miami Heat. Bien plus qu'un simple match de saison régulière, Knicks contre Heat, c'est une véritable confrontation historique. Les vieux fans des Knicks se souviennent encore des chocs entre ces deux équipes. Et la rivalité est repartie de plus belle ces dernières saisons. C'est certain, sur le parquet comme en tribune, ce match à Miami s'annonce très très chaud dans la dernière ligne droite avant les playoffs. Et pour clore ce voyage en apothéose, on retourne à New York. Cette fois, c'est le légendaire Stephen Curry et les Golden State Warriors qui seront en ville. Une occasion unique d'approcher celui qui a littéralement changé le game. Chef Curry revient sur les terres de son record à 3 points. Et même si les Knicks sont dorénavant bien plus forts, il faut toujours se méfier de ces redoutables Warriors. Une affiche au sommet, dans une arène mythique de la NBA. Que demander mieux? Cette saison, l'association Knicks Nation France vous propose non pas un, mais deux voyages pour quatre matchs inoubliables. Alors, ne ratez pas la chance de vivre l'aventure NBA au cœur de l'action. Une occasion unique de créer des souvenirs gravés à jamais dans votre mémoire. Tous les détails de ces deux voyages sont présents sur notre site web www.knicksnationfrance.com, rubrique voyage. Alors, êtes-vous prêt à embarquer avec nous pour cette nouvelle aventure NBA exceptionnelle? Ok, I'm reloaded. Eh bien voilà, on ne pouvait pas mieux commencer cette nouvelle saison que par l'annonce du main event de la KNF, le ou les main events. Effectivement, vous le savez, vous l'avez vu, c'est pas un, mais bien deux, not one, but two, voyages associatifs que nous vous proposons cette saison avec l'association Knicks Nation France, en partenariat avec Get One également, pour nous accompagner sur la réalisation de ces deux voyages associatifs. Un premier voyage fin du mois de janvier, ce qu'on va appeler le traditionnel KNF Mécatrip, une version KNF Flight for New York. Et oui, une semaine et un programme orienté autour du MLK Day, première dans l'histoire de l'association, un événement important pour la NBA et pour l'histoire du pays au sens large, qu'on aura la chance de pouvoir à laquelle on aura la chance de pouvoir assister face au Atlanta Hawks. Et oui, ça sera plutôt marrant de recevoir Trae Young dans cette atmosphère normalement plutôt de paix. et c'est rarement le cas lorsqu'on reçoit cette drôle d'oiseau. Et puis lui, il sera accompagné donc de Zachary Richelieu. Oui. Top 1 de droit. Intéressant à voir. Et puis un second match, un déplacement au Barclays Center. Et oui, ça sera la première fois qu'on fera ce road trip. Bon, c'est pas très très loin. Brooklyn, on a tendance à aller faire un petit tour pour se promener de l'autre côté du pont dans ce quartier qui est plutôt sympathique. Et le Barclays Center va accueillir les Knicks. Et oui, ce sera un match à l'extérieur pour New York. Enfin bon, à l'extérieur, on sait que les Knicks fans seront présents et ça sera très intéressant de voir Mikal Bridges martyriser surtout, ses anciens coéquipiers. Surtout face à ces Nets, nouvelle mouture en pleine transition. Je ne suis pas sûr que ça fasse bouger beaucoup de foule cette saison. Je ne suis pas sûr que ça... Oh, alors les Nets auront peut-être du mal à remplir le Barclays Center en temps normal, mais pour l'affiche des Knicks, c'est une affiche qui vaut son pesant d'or toujours. Même la saison dernière, on avait eu un match plutôt accroché face aux Nets. Je te dis juste que les Nets, cette saison, ça va être franchement un peu morne, même dans leur salle, quoi. C'est ça que je veux dire. Ça risque de résonner en temps normal sur les autres affiches. Par contre, je peux vous dire que d'ores et déjà, c'est une affiche qui est plutôt remplie. Et on le sait malheureusement en termes de tarifs de billetterie. Lorsque les Knicks se déplacent à Brooklyn, Brooklyn en profite plutôt bien. Donc voilà, en tout cas, on s'attend à avoir pas mal de Knicks fans et en faire partie de ce voyage au mois de janvier. Et donc cette année, on a aussi essayé de vous proposer un second voyage au mois de mars. Celui-ci sera un petit peu plus ensoleillé, en tout cas on l'espère, puisqu'il y aura une première partie de ce voyage qui va se dérouler ni plus ni moins qu'à Miami. Oui, oui, comme LeBron, on va poser nos valises à South Beach, et on va retrouver nos bons vieux ennemis du Miami Heat. Là-dessus, vous connaissez toute l'histoire qu'il existe entre ces deux franchises. Ah. On a eu beaucoup de moments historiques, le Allen Houston Game, les bastons, les nombreuses séries de playoffs entre les deux, l'histoire de Pat Riley, tout ça, vous connaissez l'histoire si vous êtes un Knicks fan, et même l'histoire récente, hein, puisque ces deux franchises se sont retrouvées en playoffs il n'y a pas plus tard qu'il y a deux printemps. Mm-hmm. Ça s'est toujours un petit peu accroché, il y a eu les fameuses blessures de Julius Randle. On n'aura pas un Julius Randle killer shoot au buzzer, parce que voilà, ah bah, c'est passé mode, des choses. Après un mode bully dans le, sur le banc. Non, on l'aura pas. On aura peut-être d'autres joueurs qui vont essayer de tirer leur épingle du jeu lors de cette affiche. Et puis ce match, ce voyage va se poursuivre avec un retour à New York et la réception des Golden State Warriors de Chef Curry. Steph Curry, vous savez, le petit night-night, nuit-nuit. Nuit-nuit. Qui nous a, comment dire, démontré, gratifié, on va dire, lors des finales des Jeux Olympiques. Et oui, on aura l'occasion d'aller le voir au Madison Square Garden. Donc, deux belles affiches également pour ce qu'on appelle le Grand KNF Trip. Ouais, V-City, Liberty City, vous voyez le concept. Donc, deux voyages qui sont encore disponibles à l'inscription. Ne tardez pas parce que voilà, les premières places sont déjà parties et on est en quantité limitée sur les places. Il y a tous les détails présents sur le site knicksnationfrance.com. Donc vous savez où retrouver tout ça. Voilà, deux salles, deux ambiances. Bah, en fait, c'est deux salles, deux ambiances à chaque fois sur ces deux voyages. Donc une belle programmation qu'on a le plaisir de vous proposer. Alors oui, certains vont dire « Ah, ça pique un petit peu le tarif ». Malheureusement, on essaye de faire au mieux et en fait, on est toujours sur le marché des différents voyages proposés pour aller en NBA, les offres qui sont les moins chères. Il y a la possibilité également de faire des paiements en 3 fois sans frais pour vous aider un petit peu à financer tout ça. Donc voilà, donc on essaye de vous faire au mieux, de vous rendre au mieux accessibles ces expériences. C'est des expériences uniques avec de la fan expérience dont on vous dévoilera les surprises sûrement un petit peu plus tard. Mais voilà, cette saison encore, la KNF se plie en 4 pour vous proposer la meilleure façon d'aller suivre et de supporter les Knicks. Et ben, c'est tout simplement en live dans les meilleures salles de NBA. On aura du Madison Square Garden, mais pas que. Donc c'est l'occasion aussi de découvrir d'autres salles, d'autres ambiances, des belles affiches. Voilà, c'est le programme des voyages associatifs, pas un, mais deux cette saison. Donc à vous de choisir. Et si vous voulez faire les deux, si vous avez gagné l'Euromillion il n'y a pas longtemps, faites-vous plaisir. Nous, on sera ravis en tout cas de vous compter parmi nous cette saison, comme on est ravis de compter parmi nous chaque saison de nombreux voyageurs. Voilà, ça c'était la grosse annonce, une belle vidéo promotion et de belles affiches. On va encore en reparler, de ces voyages et on a hâte d'y être parce que cette saison, l'équipe s'annonce très très belle, nous annonce de belles choses et c'est pas tout parce que KNF, oui, on travaille tout le temps et pour justement vous remercier encore une fois, eh ben on a un petit cadeau, un cadeau collector, je l'ai avec moi, il est protégé. Donc là-dessus, il ne sera pas abîmé avant qu'il soit en votre possession. Voilà, si ça fait des reflets, c'est tout simplement parce qu'il y a une petite procession de plastique. Et donc, Monsieur Isaiah Hartenstein, il nous a quittés. Bon, il nous a quittés. Il va continuer sa carrière NBA, rassurez-vous. On le recroisera encore un petit peu. Isaiah, salut mon pote. Pour tout ce que tu as fait pour nous. Et il nous a gratifié d'un petit autographe avec un Thank you Knicks Nation France. Donc voilà, cet autographe est à gagner. On le met en jeu, en gain, pour vous les adhérents. La campagne d'adhésion est ouverte depuis quelques temps déjà. Et pour gagner, tenter de gagner ce magnifique cadeau qui est collector maintenant, qui est vintage collector. Ah ouais. On n'aura pas des dédicaces aussi grandes. Parce que là, on ne parle pas d'une petite carte, hein, Seb. Hein. Là, on est sur du gros format. Là, on est sur quelque chose qui peut s'encadrer. Moi, je connais pas grand monde à avoir tout ça. On peut l'assimiler à une grosse carte. Une grosse carte, voilà. Donc voilà, en tout cas, on est sur un bel objet collector vintage, authentique. Je remercie au passage Baptiste qui nous a permis de récupérer cet autographe lors d'un événement à New York au printemps dernier. Donc merci à lui, merci également à nos amis de Knicks OmniFan pour nous avoir permis d'accéder à Isaiah Hartenstein et donc de pouvoir vous mettre en gain cet autographe. Donc tout simplement, c'est un jeu concours qui se base sur un pronostic. pronostic. Il suffit de pronostiquer le résultat de l'opening night face aux Boston Celtics fin octobre. Donc vous avez jusqu'au 22 octobre pour pronostiquer. Un petit blowout, normalement. Un petit blowout, oui, mais voilà, faut donner un petit écart, un blowout de combien. Donc lors de votre adhésion ou vos renouvellement de l'adhésion à l'association Knicks Nation France, vous avez l'occasion de participer à cette loterie, à ce jeu concours. Et voilà, celui qui aura le meilleure réponse, le bon résultat, pourquoi pas, remportera ce magnifique autographe de Isaiah Hartenstein. Voilà, c'est les deux grosses annonces de la rentrée. Il se prépare encore d'autres choses. On vous révélera très prochainement un visuel pour un t-shirt. Bah oui, parce qu'on prépare des choses pour accompagner cette rentrée. Mmh. Il y a aussi des événements. J'ai cru entendre parler de quelque chose qui se passerait un samedi au mois d'octobre. Alors, j'ai cru comprendre. On travaille dessus. Vous aurez les détails très prochainement, sûrement dans la prochaine émission. Donc revenez lundi prochain sur KNF TV pour tous ces détails-là. L'association est toujours en place pour supporter les Knicks dans la victoire comme dans la défaite. Et cette saison, je pense qu'on va avoir plus de victoires que de défaites. Hein, je pense que... On croise les doigts. Je pense que là, on n'est pas dans le clubisme, hein, mais on a quelques facteurs d'optimisme. Moi, je le revendique. Moi, je suis dans le clubisme à fond les ballons. Ah, le problème, c'est que si tu suis... Pour moi, j'estime que ça décuple les émotions du sport, en fait, supporter une équipe. Alors... Tu peux être supporter d'une équipe et pas être teubé, c'est-à-dire supporter et en même temps respecter le voisin qui lui est pour une autre équipe et pas passer ta vie à l'insulter. Voilà, ça c'est. Oui. Mais tu peux être à fond pour un club, défendre ce club, apporter des arguments sans être injurieux et pourtant être derrière, toujours derrière cette équipe. Et par contre, pouvoir toujours émettre des critiques aussi, c'est ça qui est important. C'est pas du béni oui oui, mais moi je revendique. Du clubisme. Alors, je suis pas un clubeur hardcore. Moi, je suis plutôt un clubeur hardcore. Moi, je suis plutôt un clubeur soft, un clubeur Carl Anthony Towns, mais modéré. Modéré. Mais un peu à la OG Anunoby, quoi. Voilà. Mais mais c'est clair, c'est oui, si. Bah après, nous, on est une chaîne de clubistes. Tu vois, donc de supporters avant tout. On essaye d'avoir un regard. Objectif sur les situations. Alors oui, forcément, on est plutôt très content en ce moment de tout ce qui se passe à New York. On l'était un peu moins sur d'autres moments, d'autres périodes. Il y a toujours des facteurs de doute qui peuvent être émis. Personne n'a la vérité absolue dans le sport. Si les équipes gagnaient juste sur le papier, ça se saurait. Sauf l'almanach des sports, mais celui-là, on l'a pas encore. Oui, et puis je ne sais même pas s'il va jusqu'en 2024. Je crois qu'il s'était arrêté un petit peu avant. On essaiera de retoper Marty McFly et le Doc pour savoir en quelle année les Knicks seront champions NBA. Si vous avez l'almanach des sports Back to the Future, n'hésitez pas à nous dire en quelle année il était projeté et une surtout, victoire des Knicks en finale. Et surtout, est-ce qu'on doit continuer à nourrir des espoirs pour cette saison où vous nous spoilez et vous nous dites en fait non quoi. En fait, c'est play-in et puis bisous. Tu vois. Donc... Non. On verra tout ça, mais effectivement, on va éviter tout spoil. Ici, on va être là pour parler encore une saison de plus de l'actualité, de ce qui s'est passé, des rumeurs, parce qu'il y aura des rumeurs, et il y en a eu, des mouvements, des awards, des victoires, des défaites, des blessures. Des blessures, il y en a eu, il y en aura sûrement d'autres. Des départs à la retraite, il y en a eu aussi. Il s'est passé beaucoup de choses cet été. Il y a là un petit carrousel, un petit diaporama des différentes annonces qui se sont faites récemment et sur les mois de l'été depuis le dernier épisode de Avenix Week sur KNF TV. On s'était quitté un petit peu aux abords de la Summer League. Une Summer League de Las Vegas où on a pu voir quelques rookies parce qu'il y avait quand même cette saison trois rookies qui ont été draftés par New York. Ouais. Et puis le retour aussi à Vegas de Rokas. De Rokas. Ouais, Rokas. Bon, pas il va dégueu. Rester en Europe. Pas dégueu. Hein. Ouais, il va rester en Europe. Mais franchement, c'était ce qu'il a proposé par séquence. C'était intéressant. Moi, ça m'a plu. Après, voilà, je sens que ce type, c'est un jeu à l'européenne. C'est clairement. Voilà. Je pense que le coche est peut-être pas assez. Mais. Je pense que voilà, on le reverra pas. Est-ce que ses droits seront cédés à un moment donné? À voir. Mais c'était pas désagréable de le voir jouer. C'est quelqu'un qui a un vrai QI basket et c'était intéressant de le voir jouer. C'était vraiment. Vraiment, vraiment, très intéressant. Et cet été, on a aussi parlé des droits des joueurs étrangers détenus par les franchises NBA. Et en l'occurrence, Mathias Lessor, bah oui, il faut se rappeler de cette belle campagne où on a aussi beaucoup vibré, où il y a eu des hauts et des bas. Waouh, ouais. Plus mieux vaut finir avec des hauts que finir avec des bas. Et ça finit plutôt bien avec cette médaille d'argent face à Team USA. Mais donc Mathias Lessor, bah oui, ses droits sont détenus, ses droits NBA sont détenus par les Knicks. Bon, il n'y a pas aujourd'hui, à l'heure où on parle d'échos ou de rumeurs ou de bruits de couloir comme quoi il y aurait un retour. Il n'a pas été invité au training camp, il Ouais, n'a pas fait de puis Summer League ni rien. il Donc. n'a pas, comme pour Gershon, qui lui avait une vraie envie de revenir à l'NBA. Je crois que Mathias Lessor a jamais vraiment manifesté une envie particulière de venir serrer le banc d'une franchise. Il est très bien là où il est au Panathinaikos, Opana, ouais. vainqueur de l'Euroleague. Il a un rôle plus que prépondérant dans son équipe. Il est excellent. En équipe de France, ben, on voit aussi ben, tout son apport et tout son talent. Donc, voilà. C'est sûr qu'il y a de l'argent, évidemment, à se faire. Hein. C'est pour ça qu'ils y vont. Mais en termes de basket, pour Projet lui, sportif pour lui, ouais, et d'épanouissement personnel, je pense que le Pana fait en plus partie des meilleurs clubs européens, des tout meilleurs. Donc voilà, ben, de toute façon, on a bien vu Evan qui a rejoint l'autre équipe d'Athènes. effectivement, l'Olympiakos. Donc, non, non, je pense qu'il ne faut pas il faut pas nourrir de faux espoirs en se disant, ah, punaise, vu qu'on a des soucis à l'intérieur, peut-être que. Non, non, non. Apparemment, il y a eu des discussions, mais il n'y a pas vraiment eu d'entente avant la campagne olympique. Donc voilà, en tout cas, c'était l'occasion de parler de cette campagne olympique, de parler aussi des anciens Knicks, ou des futurs Knicks, ou des droits des Knicks. On a vu Frank Ntilikina également rejoindre donc Mathias Lessor au Pana. On a vu Evan Fournier, Non, non, non, non, du coup, non, qui. non, non, Franck, il va au Partizan de Belgrade. Franck, il va au. Non, Franck, il va Ah, au. je sais plus, alors. Alors, Bah, je te écoute. le dis, Franck, il va au Ah! Partizan de Belgrade. Ça, Autant c'est pour moi, à 100%. Il fait j'ai le dit des même parcours bêtises. que Dante Exum, en fait. Et il va Non, au mais du coup, Partizan. il était présent lors du match qui s'est déroulé à Athènes dans l'ancien stade olympique. Ils ont fait un match d'exhibition, et je crois qu'il y avait le Partizan. C'était un match d'exhibition, autant pour moi. Mais Franck, il va au Partizan de Belgrade. Et ça va lui faire tout droit, là, parce que ça fait partie, avec l'étoile rouge, des ambiances les plus chaudes, notamment des Balkans. Ça va envoyer, je pense que. Ça va Ah, changer des Charlotte Hornets. ouais! Ah ouais, là, c'est des fous, hein. Les Serbes, c'est des. Ah. Mais tant mieux, parce que je pense que ça va vraiment le faire progresser. Et c'est cool, quoi. C'est cool pour lui. Il est encore jeune. Voilà, bon. Après, il faut pas dire à son âge, regarde, comment je dis, hein. Regarde Dante Exum. Il a suivi plus ou Ouais. moins ce même parcours compliqué. Il est parti en Europe. Il est parti, justement, au Partizan. Ça l'a fait. Et d'ailleurs, ça lui a réouvert les portes de la NBA. Donc, allez, on y C'est croit, quoi. assez rare tout de même, Oui. mais pourquoi pas. Et après, ça ne veut pas dire qu'il n'arrivera pas à s'épanouir en Europe, en Euroleague. On lui souhaite en tout cas tout un tas de réussites. Regarde Nando Décolo. La NBA n'était pas faite pour lui. En Europe, il a été gigantesque, notamment avec le CSKA Moscou. Donc, Et pourtant, il a évolué aux Spurs, une franchise qui, selon certains, est la meilleure du monde vis-à-vis du coaching et autres. Donc, comme allez, quoi. Allez, ça allez. c'est gratuit. J'avais une balle dans le chargeur, fallait la vider. Allez. Et donc, on va finir avec Evan Fournier. Evan Fournier, du coup, qui a rejoint bah, donc une équipe grecque, cette fois-ci, pour jouer en Grèce, à temps plein, l'Olympiakos. Donc, également, un Evan qui a eu l'occasion de revenir un petit peu sur son passage à New York en NBA, sa fin de carrière NBA, parce que pour lui, ça y est, c'est fini. Il n'envisage pas un retour en NBA. Il a cependant une carrière NBA qui est assez longue aussi, et on peut le féliciter pour ça. Oui. Son histoire à New York, elle a été compliquée. Il faut se rappeler que la saison dernière, au moment où on lançait nos émissions de reprise, eh ben, il était encore un joueur des Knicks, hein. Il a fallu attendre Comme aux beaucoup. alentours de la trade deadline pour pouvoir se débarrasser du dossier Evan Fournier. Ça a été compliqué pour lui ces deux dernières saisons NBA, mais il a eu l'occasion de revenir dans une interview accordée à First Team sur ce qui s'est passé. C'était intéressant d'avoir ces retours, ces insides. Beaucoup spéculé sur « ouais, il y a eu des clashs avec le coach, il s'est passé ci, il s'est passé ça ». Voilà, on vous invite à retourner sur l'interview d'Evan si vous voulez avoir tous les détails. En tout cas, c'est intéressant de savoir aussi comment un joueur NBA peut vivre ces situations, quels sont les rôles des agents, les décisions, les accords, la communication au sein d'un effectif. Et puis tu vois, là, on en reparlera tout à l'heure, mais ça te met aussi, encore une fois, en exergue la froideur. La réalité du business. La froideur du business, quoi. Voilà, c'est ça. Ça te montre que, bon... C'est des joueurs, c'est des êtres humains avant d'être des basketteurs, mais la dimension business compte énormément et des fois des choix business priment avant des choix sportifs. En tout cas, voilà, on lui souhaite une bonne continuation dans sa carrière. Il a aussi été un bel artisan de la médaille d'argent. Il voulait, c'était vraiment son top 1 sur sa shortlist à l'Olympiakos. Ça fait depuis très longtemps que c'est un fan justement de cette équipe qui joue en rouge. D'Athènes et donc quand on voit l'accueil qui lui a été réservé à l'aéroport à son arrivée, tu peux te dire que le type voilà, il va sa carrière est pas terminée, évidemment que non, et il va d'autres émotions de retrouver l'expérience en Europe et puis on lui souhaite évidemment d'avoir du succès. Après, c'est sûr que il y a Evan d'un côté, il y a Mathias Le Sort de l'autre, il y a Franck Miquila d'un côté, tu as les clubs français aussi à suivre. Enfin, voilà. Donc, en Euroleague, cette année, il y aura pas mal de choses à voir. Ça va être intéressant. Ouais, ça va être intéressant. Ça va être intéressant. Après, des débuts pour Evan un petit peu rouillés. Donc, l'accueil des supporters était plutôt enthousiaste. À voir si ça rebaisse pas un petit peu, ça retombe pas. Bon, il y a un temps d'adaptation. Ça, oui, voilà. Ce n'est pas des machines, ce n'est pas des robots. Bon, et puis un été chargé côté actuel et toujours joueur des Knicks. Oui, Jalen Brunson, il a fait le cœur de l'actualité des Knicks cet été aussi, même si il était blessé, il s'est fait opérer, il n'a pas participé à Team USA, que ce soit pour les scrimmages ou pour la campagne olympique. Pas pour celle-ci, peut-être que 2028, c'est ça, à Los Angeles, on aura l'occasion de le voir porter le maillot de Team USA pour la défaite en finale contre l'équipe de France. Mais, pardon, j'ai spoilé. Mais un été chargé pour Jalen Brunson, une naissance, un contrat, ouais, une prolongation et un rôle de capitaine. Bon, et puis après, il a été faire un petit peu la fête à Central Park avec Josh Hart et ses acolytes de son podcast Roommate Show. Donc voilà, un bel été pour Jalen Brunson. Qu'est-ce que tu as retenu, toi, sur d'autres dans l'actualité d'Enix sur cet été, sur lequel tu veux revenir sur cet été avant qu'on parle de la grosse news du week-end dernier? Qu'est-ce que tu as retenu d'autre? Qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Qu'est-ce qui a été un élément important, marquant? La prolongation de Precious Achiuwa, son voyage en Afrique avec des lions. Je pense qu'on n'avait pas parlé, parce qu'on avait déjà terminé de parler de la prolongation de contrat de Jalen Brunson, qui a fait un vrai geste commercial pour la franchise. Alors, certains disent oui, mais il fait ça pour avoir le super max dans 4 ans, mais machin. Bon, oui. En attendant, il a laissé de l'oseille sur la table. Et pas un peu, pas qu'un peu en plus. Et pas qu'un peu, visiblement, on parle de presque 5 millions, hein, sur le... je crois que c'est un truc comme ça. Hein, c'est... Par rapport à sa prétention, à ce qu'il pouvait prétendre, s'il attendait une saison, il a préféré prolonger maintenant plutôt que d'attendre la fin de son contrat et prolonger au tarif plus élevé. Et son contrat se terminait l'année prochaine. Donc, il a décidé de re-signer un contrat plus que intéressant. Hein. On parle d'un contrat, je vais vous le dire parce que je l'ai sous les yeux. T'as reçu le contrat toi aussi? Ouais, je l'ai reçu, je l'ai validé. C'est moi qui l'ai validé. C'est toi qui as tamponné, c'est bon. Mais, bon pour paiement, bon pour accord. Lu et approuvé. C'est ça. J'ai oublié de marquer la date. Je suis con, ils me l'ont renvoyé après. Ah, c'est quand même, on parle d'un type qui aurait pu prétendre à un salaire aller à la cinquantaine de millions d'euros de dollars par saison. Il va prendre 35, 38, 40 et 43. Voilà, sur les années, quoi. Ce qui est beaucoup, on se satisferait de moins, mais au regard du marché NBA, de la hiérarchie des salaires, exactement. Au regard aussi d'autres prolongations qui ont eu lieu cet été, on pense à Joel Embiid qui a signé pour quoi 300 millions là. C'est énorme. Jason Tatum, bon, on est sur un joueur qui est champion NBA, on peut s'attendre à ce qu'effectivement il touche un bon salaire, même si c'est un joueur qui joue pas dans Team USA, qui se prend des DNP par Steve Kerr. Bon, voilà, comme quoi ça n'arrive pas que à Tom Thibodeau. mais voilà, il y a effectivement eu des gros salaires qui sont tombés encore une fois cet été. Et Jalen Brunson, il a prolongé, mais c'est un peu à contre-courant de tout ce qui se fait ailleurs. Il a prolongé Joel au Embiid, rabais. Il a re-signé une prolongation de 192 millions sur 3 ans. Oui, je crois, d'accord. Est-ce qu'il lui fait un contrat à plus de 300 sur, voilà, par rapport à son contrat qui était voilà, en cours. C'est, bon, ceux qui voulaient le, type, le voir débarquer à New York. Le type, il va te prendre pour... C'est pour 2 ans. Donc, il va te prendre 60 millions, 65 et 70 millions la saison. Ça va. T'as 2 GB pour ce prix-là, quoi. Quand je te dis que le max pour Wembanyama, on arrivera à frôler les 100 millions la saison. On va y arriver. On va y arriver aux 100 millions la saison. Avec l'augmentation du salary cap. Dans moins de 10 ans, on y est. Voilà, préparez-vous, mouillez-vous la nuque et voilà. Voilà ce que je retiens, c'est justement John Brunson qui fait ce geste, qui donne de la flexibilité à l'équipe pour dire, écoutez, je vais pas faire comme tous, c'est-à-dire s'aborder les finances et penser à ma gueule en prenant l'oseille, même si ça a été décrié. Beaucoup de joueurs ou d'anciens joueurs ont dit, oh, moi j'aurais pris l'oseille. Ouais, mais regarde, ouais. Au final, tu aurais pris l'oseille, mais regarde ta carrière. Est-ce que tu as gagné? Non. Bon, ben voilà. Est-ce que c'est mieux de faire une carrière à la Damian Lillard, c'est-à-dire de prendre un max d'oseille et finalement, bon, de vivoter, d'être un peu compétitif, mais de finalement rien faire? Ou d'être suffisamment intelligent pour se dire, je vais évidemment être payé hein, à la hauteur de mon talent. On parle quand même de 40 millions de dollars l'année. Je pense qu'on ne se rend pas compte de ce que ça représente, c'est gigantesque. Mais à côté de ça, au vu du cap, il va prendre 20-22% du cap et ça va permettre à l'équipe de pouvoir prolonger les copains, aller chercher un mec pour un ajustement, enfin, faire quelque chose qui permet à la team d'être prétendant au titre final. Et ça, c'est beau. Donc, moi, franchement, Jalen Brunson, rien que pour ça, oui, c'est le capitaine, quoi. On l'applaudit pour ça, c'est le capitaine. Alors, il est capitaine de fait. Ça faisait longtemps que les Knicks n'avaient pas désigné un capitaine. Lance Thomas. Donc, c'est dire si ça remonte. Le rôle de capitana dans une équipe NBA n'est pas systématique. Ce n'est pas comme au foot où on a un capitaine qui porte le brassard. D'ailleurs, il n'y a pas de signe distinctif pour savoir qui est capitaine. C'est plus un rôle honorifique. Et il a été justement, après sa prolongation, il y a eu d'abord la prolongation de contrat et après. Il y a eu cette annonce de capitaine. Ce qui est normal, ce qui est logique. Hein. C'est logique qu'il lui ait donné ce titre honorifique. Oui. C'est devenu de fait le leader des Knicks. C'est le meneur de jeu en plus. Donc, c'est par lui que c'est le leader de circule tout. En premier. Je pense que c'est le leader vocal. C'est le leader technique. C'est celui qui parle dans les médias. C'est celui qui, à chaque fois, dit « La faute me revient parce que je n'ai pas mis ce panier. » Parce que j'ai… Enfin, des fois, c'est un peu de l'autoflagellation. Il faut quand même le reconnaître. Mais n'empêche que il assume et il assume son rôle de franchise player et il assume complètement son rôle de meilleur joueur des New York Knicks. Et ça, bon, c'est pas donné à tous hein, d'avoir les épaules aussi larges. Clairement pas. Faut se rappeler que quand il est arrivé à New York, bon, il est arrivé déjà avec un contrat, certains s'étaient dit « Oh, 100 millions sur un joueur qui n'est pas encore All-Star, c'est cher payé ». Bon, voilà, il y avait tout le Knicks bashing et les doutes qu'on connaît lorsque les Knicks font un move, qu'il soit bon ou pas. La vérité, de toute façon, appartient au terrain et on a sur le terrain, le GB, il était plutôt bon. Je ne suis pas d'accord. Les Knicks font un move, il est forcément mauvais. Voilà, c'est Forcément. Il est souvent décrié. Voilà. Parce que ce sont les Knicks qui le font. Il est forcément mauvais. On va pas se positionner en victime systématique. Quand les Nets, il est vrai que... quand les Nets ont fait les tresses amigos, là, c'était génial. C'était incroyable. C'était la folie furieuse. On a vu ce que ça a donné, c'est-à-dire shit. Mais c'était gigantesque. Les Knicks font des ajustements, récupèrent des mecs ici ou là. Alors oui, à coup de trade et de tours de draft, mais que quand tu es prétendant, les tours de draft, tu t'en fiches un peu. forcément, t'es là, t'es en mode, ouais, mais je crois pas que ça, je crois. C'est Sonix. Voilà. Oh là là là Bon, là. on a eu l'occasion d'en entendre parler en long, en large, en travers de cette, de ces doutes autour d'Enix. Oui, mais ça sera pas ci, ça sera pas ça. Oh, Jalen Brunson, du coup, il casse le marché en signant au rabais. Bah ouais, mais en fait, rien n'empêche que les autres gros joueurs Mais de la ouais, t'es ligue pas obligé fassent de d'être même débile en fait. pour essayer de construire un effectif compétitif. Il faut savoir où sont les priorités. En tout cas, Brunson assume ce rôle de capitana. Lorsqu'il est arrivé à New York il y a quelques saisons, lors de la signature, oui, son contrat avait été décrié, pas forcément par nous. On avait des espoirs, on avait des attentes, mais au final, il s'est avéré être un des meilleurs contrats de la ligue. Il a Ça été sera incroyable. encore le cas. Ça sera encore le cas. Puis en Lorsqu'il est playoff, arrivé. et puis en playoff surtout. C'est que Ah oui. t'as des mecs de saison régulière qui sont forts et Ouais. qui en playoff s'effondrent un peu. Là, on a un type qui, la saison régulière est bon, en playoff est excellent. Élève son niveau de jeu. Donc ça, c'est pas donné à tout le monde. Il faut pouvoir le faire. Il a réussi à le faire déjà deux fois. Malheureusement, il aurait aimé aller plus loin. Ça n'a pas pu être le cas. Donc c'est pour ça qu'aussi, il était important de renforcer l'équipe. Mais ce que là où je voulais en venir, c'est que lorsqu'il arrive à New York, on avait plutôt des messages du front office en disant, bon, c'est une pièce importante du jeu, mais attention, c'est pas forcément la star, le franchise player. Ne lui mettons pas une pression excessive. Là, on voit maintenant en 2024, c'est clairement le franchise player assumé de l'équipe. C'est le visage de l'équipe, c'est le capitaine, c'est lui qui est mis en avant. Il assume complètement la pression que peut avoir le marché new-yorkais, les attentes des médias, des fans et tout. Et il le rend bien. Donc jusqu'ici, l'histoire d'amour continue avec Jalen Commençais quand Brunson. même Elle va se à avoir, poursuivre encore quelques saisons, quoi. tu commençais quand même à avoir deux, trois indices qui te laissaient penser que le front office lui donner plus ou moins les clés, quoi. C'est-à-dire quand on le fait venir Faire Art, venir les copains, que quand ouais. derrière on fait venir Dante, qu'après derrière on va te faire un gros trade pour Mikal, que on t'ouvre le jeu pour ton jeu, c'est-à-dire qu'on va mettre en place des systèmes pour ton jeu. Tu as compris que voilà, on met bien notre star. On la met dans un cocon, on la chouaille, on la voilà, c'est toi le boss, voilà, c'est toi. Tu fais ce que tu veux. Et lui est suffisamment professionnel. Hein. Il a un professionnalisme voilà, à toute épreuve. Mais en fait, il ne tombe pas dans le piège de la facilité en se disant, bon, ben, c'est bon, c'est moi le patron. Non, le type, ça, quelque part, ça lui donne encore plus envie de fournir les efforts. Et c'est en ça où il ne peut que attirer, enfin, en tout cas, Les louanges et les voilà, salutations. on peut avoir que de l'admiration pour lui. Il donne beaucoup. New York lui rend aussi. Hein. Et on l'a vu au Yankee Stadium. Aaron Judge qui lui a dédicacé une paire de chaussures en mettant C'est toi le boss de New York. Le joueur de tennis dont j'ai oublié le nom qui dit bah voilà, aujourd'hui à New York, c'est lui le King of New York. C'est pas c'est Jay-Z, Tiafoe. c'est Jalen Brunson. C'est Donc Tiafoe lors attention. de Ouais, c'est Tiafoe lors ça. de la lors de De l'US l'Open, Open. lors de l'US Open, ouais, de... C'est ça. Donc il y a vraiment une hype légitime autour de Jalen Brunson et puis un gars qui est, même s'il est fun par moments, mais qui reste sérieux, la tête sur les épaules. Voilà, le mariage l'été dernier, le petit bébé cette fois-ci, le contrat, le petit costard qui va bien. Il montre l'exemple, c'est le franchise player d'Enix, n'ayons pas peur des mots, c'est bien ça Ah oui? aujourd'hui. Ah non, mais il n'y a pas de. Mais depuis l'année dernière, en fait. Hein. Et c'est. Assez vite depuis qu'il est arrivé, Et effectivement. c'est. Il avait un rôle de co-leader avec Julius Randle, Ouais, qui mais s'est même si. rapidement devenu l'option numéro 1, sans Même si je contestation. pense que Julius s'est rapidement aperçu que ben, le patron, c'était lui. Et même si dans les médias, même s'il a été encore une fois All-Star avec Jalen Brunson. Et même si durant la saison dernière, avant qu'il se blesse, il y avait quand même presque au niveau du scoring et des stats individuelles des éléments similaires, on voyait qui avait les derniers ballons. On Oui. voyait qui avait les derniers ballons, qui annonçait les systèmes, qui était là pour marquer les derniers paniers ou tuer le match. C'était Jalen Brunson. Et c'est en ça, en fait, où je crois qu'on n'avait quand même pas assez mis en avant. Que Julius Randle avait compris que eh ben, lui, voilà, il marquait des points, Su se mettre en mais second plan, quoi. exactement. Et je pense que c'était là sa place, c'est-à-dire ben, d'adjoint, de lieutenant de Jalen Brunson. Et il avait très bien compris, puisqu'il même il n'avait jamais fait aucune déclat dans les trucs. De toute façon, il ne faisait pas trop de déclat dans les médias, mais il n'y avait pas eu de clash entre eux. Et la preuve est ce mois de janvier incroyable de cette année, hein, où on fait un 14-1 et il est incroyable. Et dans cette équipe, avec le tout fraîchement tradé au Giannunobi, ça tournait du feu, cette équipe. Elle était mais bon, incroyable. Un mois de janvier ne fait pas le printemps, et malheureusement, il y a eu des blessures, il y a eu des choses. Ce mois de janvier restera, pour moi en tout cas, un énorme what if. C'est-à-dire, sans cette épaule luxée de Julius. Contre le hit. Contre le hit, où en plus on mène et il va faire ce move un peu, un peu aléatoire, là, c'est pas trop sur la tronche de Raquel Junior, et qui se luxe l'épaule. C'est vrai que, bon, s'il n'y avait pas eu ça, qu'est-ce qu'aurait donné cette équipe ? Et c'est pour ça, c'est pour ça que c'est un what if. C'est cette équipe-là, au complet, surtout que derrière, t'as Mitchell Robinson qui revient au premier tour des playoffs. Cette équipe-là aurait pu être au complet contre Philadelphie. Alors, on les passe sans Julius. Facile. Mais il faut tout. Surtout, c'est qu'est-ce que ça aurait pu donner, justement, un deuxième porteur de balle à côté de Jalen Brunson. On ne saura pas. On le saura pas. Mais cette équipe, en tout cas, nous avait montré de très belles choses. Et elle était, ce mois de janvier, en tout cas, je pense qu'on s'en rappellera longtemps de se dire « Qu'est-ce que ça aurait dit, quoi, cette équipe-là ?» Eh oui. Mais malheureusement, on ne saura pas la suite. Une suite, en tout cas, pour finir sur les reviews de cet été, où on a eu aussi pas mal de départs à la retraite. Derrick Rose, qui a annoncé sa fin de carrière NBA, donc un joueur qui ne peut pas laisser indifférent lorsqu'on est un fan des Knicks, de par ses deux passages. Le premier avait été peut-être un peu plus compliqué, et il y avait des attentes, mais malheureusement pas de résultats, comme ça a pu être souvent le cas à New York. Et puis un deuxième retour, justement, la saison du fameux We Here, où finalement c'était Derrick Rose qui était le meilleur joueur de playoff des Knicks lors de la série face au Atlanta. Tu vas le chercher, Hawks. Tu vas le chercher dans un trade contre Kevin Knox. C'est vrai, il faut se rappeler. Kevin. Kevin qui a signé au Golden State Warriors. Tu as réussi à avoir un petit contrat, Kevin. Alors attention. Ça dépanne. Tu vas voir. On rigole, mais. Moi je vais les. Eh bien, peut-être que nous verrons Kevin Knox au mois de mars au Madison Square Garden. Là, faut crier comme à Paris. We want Kevin. tout ça pour dire que tu vas chercher très bon move de Leon Rose d'ailleurs, un de ses premiers. Va chercher donc Derrick Rose et tout de suite donc il prend sous son aile Obi Toppin et Emmanuel Quickly. Et se montre important. Malheureusement pour lui, je pense qu'il n'avait pas fait assez de matchs en tant que sixième homme, en tout cas sous la franchise, pour pouvoir avoir le trophée de sixième homme de l'année. C'était pour le sixième homme, il n'a pas été loin. Et puis après, malheureusement, la saison suivante, il commence, il se pète, et puis il ne reviendra jamais. Il sortira de la rotation. Thibodeau le fera sortir de la rotation. Et puis finalement, voilà. Mais il aura fait les trois quarts de la saison We Here. Il était exceptionnel. Ouais. Je veux dire, lui et Burks, quand ils sortaient du banc, c'était c'est marrant. Et puis un rôle de mentor pour les Quickley et autres RJ Barrett. Donc ça avait été plutôt intéressant de voir cet apport. Et puis un Derrick Rose qui était dans une bonne mentalité, malheureusement pas trop dans un bon état de santé, de forme. Contrat qui avait été prolongé, la saison d'après ça avait été plus compliqué avec Kemba Walker, tout ça. Mais bon, en tout cas, voilà, un joueur qui a pris sa retraite NBA, qui se dirige en principe vers le NBA Hall of Fame, même si certains émettent des doutes parce que, voilà, une carrière, certes, de MVP, mais trop courte, un prime trop court, entaché par des blessures. En tout cas, voilà, on souhaite bonne continuation à Derrick Rose également, et puis bonne continuation à une autre personne qui était présente plus souvent au Madison Square Garden et plutôt autour du terrain, c'était Rebecca Harlow, qui quitte l'équipe de MSG Network. Donc voilà, Rebecca, pareil, bonne continuation à toi. Tu vas nous manquer. Tu vas nous manquer, Rebecca. D'ailleurs, si tu veux passer à l'émission, nous faire un coucou, n'hésite pas, surtout. Voilà. Ou si tu veux être consultante pour Et KNF TV, il y a on peut aussi, négocier ton cachet. et il y a aussi à souligner, alors ça c'est plus pour les gens qui sont sur Twitter, Ah oui, Fred Katz, Adrian. Hop. Fred Katz Oui. qui quitte son rôle de. Alors non, je sais pas si c'est Fred Katz ou Yann Begley. Non. Oh non, non, c'est pas Begley. Non, non, Fred c'est Katz, Fred. peut-être qu'il arrête de suivre les Ouais, Knicks il arrête de et qu'il suivre part les sur Knicks d'autres. pour prendre mais les infos plus nationales et qui D'accord. a adoubé donc ben, la personne qui prendrait le reste de. Ben, qui deviendrait suiveur des Knicks. Donc pareil, Fred Katz, c'est toujours intéressant de le suivre. Lui et Begley, ils avaient toujours des très bonnes infos, des bonnes. Bon, ben voilà, donc il s'en va, c'est vrai Eh que ben c'est écoute, sympa, bizarre. Et puis tu me lances sur une belle transition. et le Voilà, Woj le aussi. Woj. Et le Woj, On n'a le pas Woj eu qui arrive. de Woj bombe, mais le Woj, Adrian Wojnarowski, qui a annoncé sa retraite aussi. Sa dernière Woj bombe, c'était de dire je me retire juste avant la saison. Puis est-ce Et puis que. Est-ce que. quelques jours derrière. Est-ce que. Attends, est-ce que ça aurait pas été excellent que Shams spoil la Woj bomb de l'arrêt de Woj? Ah, Ça aurait ça été aurait beau. pu. Ça aurait été beau. Tu imagines? Ça aurait Le mec, il ne peut même pas annoncer lui-même sa pu. retraite. Il est spoilé par Charania. Je vous annonce que Woj va se retirer. Ouais, bon, après, il aurait pu le dire. Et puis, il y a des rumeurs que, comme quoi, il va se Non, retirer. mais Bon, ça aurait après, il été. lui a laissé la primeur de l'annoncer lui-même. Ça aurait été. Peut-être qu'il le savait. Là, ça t'aurait montré le paroxysme en fait de la connerie. Ça aurait été génial. Oh, peut-être que c'était quelque chose qui était connu dans le milieu journalistique. Et finalement, il lui a laissé la primeur de l'annoncer. Oui. Et puis, bah voilà. Nous, on va en venir à notre actualité. Il s'est passé beaucoup de choses Qu'est-ce qui cet s'est été, passé vous l'avez alors? vu. On est bavard, on a pu en parler un petit peu en long, large, en travers. Mais ce n'est pas une Woj bomb, c'est une Shams bomb qui est tombée Oui. dans la nuit de vendredi à samedi. Moi, j'avoue, j'étais parti voir Mégalopolis, là, le film de Francis Ford Coppola au cinéma. Un film compliqué, hein. On pourra parler cinéma si vous le souhaitez en commentaire. On sent on à va. ton débrief que t'as muté, ouais. On va. On sent Ah, on va parler de. Alors, ça se passe à New York, hein. Il y a un petit côté New York plutôt sympa, le Chrysler Building, Ford Coppola, Chrysler, Ford, tout ça, c'est mignon. Bon, bref, le film était compliqué, je me suis couché avec un mal de crâne, et puis je me suis réveillé un peu plus tard, hein, que d'habitude. Bon, c'était samedi, et là, des messages en veux-tu, en voilà. Un certain groupe de Nyx Therapy sur WhatsApp, je les salue au passage, avec énormément de notifications. Je me suis dit, oh, il a dû se passer un truc. Et puis, effectivement. C'était pas une Woj bomb, c'était une Shams bomb qui est tombée. Alors bon, moi j'avais programmé un petit post sur Facebook pour parler de DeAndre Ayton en rumeur. Ah Visiblement, c'était moins croustillant que la nouvelle de la nuit. La nouvelle de la nuit, c'est quoi? C'est Karl-Anthony Towns tradé à New York contre Julius Randle, Dante DiVincenzo, un tour de draft, un first pick protégé ouais. des Deux, trois. Detroit Pistons qui Un était. 13. Protéger un 13. Propriété, voilà, propriété des Knicks. Vu l'effectif des Pistons, on peut se dire qu'il va être protégé encore un petit peu. Bref, le gros move, ça y est, le gros chat, Cat in the City. Depuis le temps que c'était une rumeur, mais on savait pas trop. Voilà, effectivement, Léon Rose, il a eu beaucoup d'âges joueurs à représenter, hein, avec son agence CIA. Karl-Anthony Towns en faisait partie. Il y avait les fameuses connexions qu'on connaissait il y a quelques temps autour de l'université de Kentucky. Kevin Knox, Julius Randle était un ancien Wildcats. Donc il y avait une sorte de hype autour de Kentucky. Et puis c'était passé parce que maintenant on est passé à Un Villanova. On a changé Villanova. d'école. Et là, ça y est, c'est tombé. Bah, juste avant le training camp, un petit peu de façon impromptue. On s'y attendait pas. Moi, clairement, j'ai été surpris par ce trade. Dans un premier temps, on va parler de la façon dont on a appris tout ça. Donc moi, c'était voilà, 11 h le matin, tranquille, un petit peu en retard. Toi, tu l'as vécu un petit peu plus en live Alors au rush de la moi nuit? je l'ai vécu en direct. Je m'étais endormi devant la télé, tu vois. Donc je me lève, je regarde mon téléphone pour aller me coucher. Et puis là, je vois que je vois bah, sur Twitter les infos, mais qui avaient eu lieu. Il y avait quoi? Il y avait une minute, quoi. Oh là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se. Alors, j'ai été sonné, hein, j'avoue. Est-ce que J'avoue c'est un j'ai. fake ou pas? Non, Allez. c'était pas sur, sur C'était pas la, une Woj la, bomb, c'était pas une la, Woj bomb. c'était pas sur la véracité en fait de l'info. C'était sur l'info de se dire. Pas au début, c'était pas tant sur tiens, on récupère Karl-Anthony Towns. C'était de se dire merde, il y a Julius qui s'en va. Et c'est vrai que j'étais là, moi, putain, Julius, c'est fini. Alors, il a ses détracteurs, il a ses personnes qu'il apprécie. Moi, j'étais plus une personne... Modéré Non. Une personne qui appréciait Julius. Moi, je l'aimais bien, il me faisait marrer, j'aimais bien Julius. Et en fait, de se dire, ah, punaise, c'est fini. Et tout le temps que tout rentre en ordre et de se dire, voilà, qu'est-ce qu'on récupère, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi la suite. Mais ma première pensée, c'était de me dire, putain, merde, Julius, c'est fini, quoi. C'est fini, c'est terminé. Voilà, bye bye, Julius, quoi. Et à quel point ça va vite. Ça va vite parce qu'il y a. Au moment où tombe l'info, 2 jours avant, il est en train de poser la première pierre de l'école, je crois, Earl Monroe dans le Bronx, pour laquelle il a filé 1,2 million de dollars. Il va avoir un cours qui va être à son nom. À son nom. Il y avait tout le front office qui était là. Donc, on avait Leon Rose, on avait Tom Thibodeau, on avait Alan Houston, on avait quelques anciens joueurs, Tim Thomas, évidemment, Earl Monroe. Walt Frazier qui était là, lui-même a parlé au micro il y a 2 jours de ça. Et mais là, tu te dis, mais en fait, tu te rends compte de la réalité du business NBA, de la froideur. Ouais, dans les bureaux, ça parlait déjà parce que il faut vous enlever de l'esprit que quand parce qu'il y a eu cette timeline en fait. Ouais. Mitchell Robinson va pas revenir tout de suite. Sa blessure, il est en convalescence. Il a été opéré, mais pour l'instant, voilà, il est toujours en convalescence. Il s'est pas répété. Il est en convalescence. Non, mais il n'est pas apte. Il n'est pas apte. Et on annonce un retour aux alentours du mois de décembre, janvier. Quoi. Janvier. Voilà. Donc les Knicks disent, on ne veut pas prendre de risque pour Mitchell Robinson. On va prendre le temps. Son retour sera pour plus tard. Et là, forcément, tout le monde commence à parler. Et il commence à y avoir des rumeurs en se disant, les Knicks, il leur faut un pivot. Parce que ben, actuellement, la rotation, c'est Achiuwa, Sims et le rookie Okporty. Donc, ben, c'est vrai que là, tout de suite, ça commence à parler un petit peu. Et puis, derrière, quasiment, ben, voilà, 48 heures plus tard, finalement, hein, quand cette info tombe, y a le trade. Et beaucoup de gens se sont dit, ah, panic move. Mais vous pensez honnêtement... Entre-temps aussi, effectivement, on revient un petit peu sur la chronologie de tout ça. Il y a l'annonce de la blessure de Mitchell Robinson qui était un petit peu surprenante parce qu'on n'avait pas de news. Ok, il s'est fait opérer, tout ça, mais bon, le temps de l'été, de la rééducation... Mais il ne s'est pas pété, il ne s'est pas reblessé. C'est juste qu'ils prennent du temps sur la rééducation, sur le retour. Ouais. Et justement, Tom Thibodeau avait été interrogé et puis il avait dit assez ouvertement dans les médias on va jouer plus small ball, Julius, on va le mettre en 5, voilà. C'est une option qu'on va plus étudier. Tout le monde en parlait. Comme quoi, Tom Thibodeau aurait pu faire la langue de bois en disant on va voir et tout. Non, il évoquait clairement pour lui dans ses plans de jeu. Je pense qu'il travaillait déjà sur les rotations, sur comment il allait intégrer ce small ball. Julius Randle, un petit peu plus tôt dans l'été, avait dit moi, je suis prêt à endosser n'importe quel rôle qu'on me demandera. Moi, j'ai envie de gagner à New York. Et même, ça avait été évoqué, on lui avait interrogé sur sa sortie de banc. Alors, beaucoup avaient des doutes. Il dit s'il faut. Et c'était ce qu'il avait dit. Il y avait eu une communication, en tout cas, très positive de sa part. Et c'est vrai que, fort de toutes ces infos, que quand le move tombe, quand le trade tombe, surpris, quoi. Voilà, donc les gens, beaucoup de gens commencent à dire panic move des Knicks. Il faut arrêter le délire que quand il y a tout ça, Leon Rose, il n'a pas fait allô. Mince, il est blessé. Allô, le GM de Minnesota. Ouais, Carl Anthony Towns sur le trade. Ouais, contre Julius et Dante. Allez, ça marche, bisous. Non. Ça fait des mois que ça discute. Oui. Évidemment. Ça a discuté peut-être même depuis. Les rumeurs, elles remontent depuis déjà plusieurs saisons. Voilà. On le sait. Et peut-être que ça s'est peut-être accéléré juillet, ils se connaissent. Voilà. Ils se connaissent. Accéléré depuis juillet, août. Ça s'est peut-être un peu plus intensifié, les appels. Allô ? Alors, bon, je t'offre ça. Toujours pas ? T'es sûr ? Bon, allez. Ouais. C'est pas au dernier moment que ça se négocie. Donc, finalement, cette info-là tombe un peu comme le cheveu sur la soupe. Hein. C'est-à-dire que tout le monde est là, grandit de se dire « Ah, merde !» Parce que, pareil pour côté Minnesota, mais t'avais des photos de la veille où t'avais Carl Anthony Towns qui s'entraînait avec son père sur le moment même, sur le terrain des Wolves avec la tenue complète. Il n'est au courant de rien, personne n'est au courant. Les joueurs, personne n'est au courant, tout se fait en coulisses. Quatre tweets, hein, trois petits points. Ça. Voilà, choqué, quoi. Choqué. Enfin, et c'est parce que pour lui aussi, c'est une équipe qui quitte, c'est la seule équipe qu'il a connue jusqu'à présent. Il a été drafté en choix 1 par eux. Il a été le centre du projet pendant longtemps. Il a été All-Star avec eux à 4 reprises. Rookie de l'année? C'est lui le rookie of the year? Je sais pas. Bien, hein. Oui, si. C'est l'année de Porzingis. Derrière, il. Alors, il connaît des hauts et des bas, et notamment Thibodeau, avec donc d'ailleurs, c'est Thibodeau qui les amènera en playoff, hein, jusqu'à là récemment, mais sinon, c'était sous l'ère Thibodeau qu'ils étaient retrouvés en playoff. C'est Thibodeau qui le coach et il devient All-Star sous Thibodeau. Et c'est vrai que ben, lui, il a connu 9 saisons dans le Minnesota, et puis d'un coup, ben, mec, t'es plus le projet parce qu'en fait, ben, t'as Anthony Edwards, c'est lui le patron. Eh oui. Et on voudrait prolonger. On sentait venir un peu. Et on voudrait prolonger Nasrid. Donc en fait, ben, si tu comprends, toi tu prends trop d'oseille. Bisous, va voir là-bas si j'y suis. C'est vrai que c'est un peu ça dans les grandes lignes. Hein. Je grossis le trait, mais c'est un peu ça quoi. Et donc forcément, ben tu le prends pas comme une trahison, mais c'est vrai que ben autant les rumeurs sur Julius chaque été, il y en avait. C'est-à-dire que lui, il peut quand même se dire bon. Il devait se douter qu'à un moment donné, le coup prêt allait finir. Et sa non-prolongation. Sa non-prolongation de contrat, lorsque cet été, il est devenu éligible. Mmh. On l'a vu la saison d'avant. Il a été donné à Jimmy, pas à lui. Ça a été déjà. Et on aurait pu se dire, bon, si Jimmy a laissé un peu de l'argent sur la table, peut-être que Julius va pouvoir en profiter, avoir sa prolongation aussi. Il commençait à y avoir quelques rumeurs sur une prolongation de Mikal Bridges au rabais. Mais voilà, il n'y avait pas de prolongation. Et on allait sur une saison où il allait falloir faire une contracture. Il allait falloir qu'il prouve qu'il était capable de jouer, d'apporter dans ce collectif. Et qu'il a été aussi valuable, qu'on allait pouvoir le payer à un prix en correspondance avec son niveau de jeu affiché. Donc il y avait une situation qui était douteuse. Rappelle-toi l'année dernière, alors qu'à un peu similaire avec Emmanuel Quickly. Alors avec Quickly, il y a eu des discussions. Ils se sont jamais mis d'accord sur le prix. Je pense qu'ils ont peut-être été jamais dans l'optique de le re-signer à Julius. Je ne sais pas s'ils étaient dans l'optique de le re-signer. Bah, comme beaucoup de fans ou d'observateurs, on a vu l'équipe jouer et performer sans Julius Randle. Voilà. Donc c'est difficile après de réintégrer. Après, ça reste un joueur très mauvais pour lui, ça. Le fait, l'image de l'équipe sans lui, lors des playoffs et notamment lors du premier tour, gagne. Ça a été très mauvais pour lui, ça. Il aurait mieux valu pour lui, je dis vraiment pour lui, que l'équipe ne performe pas et on aurait dit « Ah bah regardez, il manque Julius Randle et avec Julius Randle, ils auraient pu aller plus loin ». Je suis persuadé qu'avec Julius Randle, ils auraient pu aller plus loin dans ces playoffs. Ça n'aurait pas été la même série face aux Pacers. Et après, face aux Celtics, est-ce qu'il y aurait eu match? Je pense qu'il y aurait eu match. Est-ce que les Celtics auraient remporté? À voir. Mais l'histoire que les Knicks nous ont racontée lors de ces playoffs sans lui était et les sentiments qu'on a eus lors de ces playoffs ont été incroyables. Et il n'était pas là, en fait. Et il n'était pas mêlé à tout ça. Donc, il a assisté à quelques-unes des rencontres sur le banc et il a dit que c'était difficile pour lui de voir l'équipe performer sans pouvoir être un acteur actif. Quoi. C'est en ça, tu vois, il n'était pas acteur. C'est-à-dire que ben, Dante a eu son moment, Hartenstein a eu son moment, OG, tu vois, tous, Art, JB, tous. En fait, le match de Tuscan sur Maxi, tous, ils ont eu même à un moment donné, toujours des actions coup de poing, tu vois, qui nous ont marqué. Et lui, il n'a pas été mêlé à ça. Il y avait forcément de la frustration parce que tu as envie d'en être. Tu donnes tout pour ton équipe parce qu'on ne peut pas non plus douter sur l'implication de Julius Randle. Il a voulu retarder son opération parce qu'il essayait de revenir et il a été à un moment donné contraint et résigné de se faire opérer et donc de dire non, je ne pourrais pas revenir pour cette équipe, pour les playoffs. Mais forcément, il y avait de la frustration parce qu'il avait envie de vivre ces moments parce que l'équipe était sur une très belle dynamique. Il y a contribué en début de saison. On l'a dit, le mois de janvier était très bon. Il était encore une fois All-Star et c'était pas juste un All-Star de circonstances. Il avait une production qui était de type All-Star la saison dernière. Donc, il était parti complète et intégrée dans cette équipe, et il a vu l'équipe performer sans lui. Voilà. Et forcément, prolongation de contrat, ça traîne. Mais moi, j'ai été surpris parce que quand j'ai vu effectivement l'événement dans le Bronx où il faisait partie du contingent d'Enix, je me suis dit, bon, bah, c'est un signe comme quoi l'organisation compte sur lui. Tu convies pas quelqu'un pour un événement, ne serait-ce que caricatif, où tu te dis... Bon bah voilà, il représente l'équipe, c'est un représentant de l'équipe. Et là en plus, il y a une image encore plus forte parce qu'on parle de l'éducation, on parle d'école, on parle d'un chantier. Alors certains vont dire, ouais regarde, c'est un mec qui lance des briques, donc qui mieux que lui pour faire un chantier. Mais non, on est vraiment il était en compagnie de Thibaudot avec la pelle et tout, faire les premiers coups de pioche et compagnie. Et deux jours après, merci, au revoir. Donc il y a un côté cruel effectivement dans cette histoire. Ligue, et la Ligue, c'est vrai que c'est... Comme je dis, hein, t'as moins d'une dizaine de joueurs qui sont hors ce système-là, qui ce sont eux qui décident s'ils veulent bouger, s'ils veulent partir, s'ils veulent re-signer, c'est eux qui décident. Et la masse des joueurs, les autres All-Stars, tous sont soumis au marché. Ce qu'on appelle un franchise player pour moi. C'est la définition même du franchise player, c'est que tu peux bouger tout le monde autour, mais s'il doit en rester qu'un à la fin, si tu construis autour de quelqu'un, c'est le franchise player. Et tous sont soumis au marché. Tous les autres sont soumis au marché, et tu le vois bien. Hein. Et à New York, le franchise player, s'il doit en rester qu'un, ça sera Jalen Brunson. Ce n'était pas Julius Randle, ça on l'a vu. Est-ce qu'à Philadelphie, c'est Joel Embiid? Peut-être. En tout cas, c'est pas Paul George. Non. Mais voilà, effectivement, des franchise players, des joueurs qui font partie du centre d'une équipe, du centre d'un projet. Et bien, Minnesota, c'était pas Karl Anthony Towns, ça devient plutôt Anthony Edwards. Et on a vu justement des pages se tourner avec ce trade pour les deux équipes. Alors, on va revenir, on a déjà parlé pas mal de ce trade, mais on va continuer de débriefer tout ça. On va quand même commencer par dire merci et au revoir à ceux qui partent. Déjà... On a donc ce fameux Julius Randle qui a passé quand même quoi 5 saisons à New York avec des hauts et des bas. Il est arrivé dans la fameuse été où on attendait plutôt des Kyrie Irving, des Kevin Durant, pourquoi pas un Zion à la draft. Et ben non, c'est plutôt lui qui a, en tant qu'agent libre, en provenance de la Nouvelle-Orléans, des Pelicans, là où il avait fait plutôt une belle saison à côté de Anthony Davis avant son départ pour les Lakers, qui a décidé de partir sur le Paris new-yorkais, Paris des Knicks. Il sortait, faut le saluer pour ça. Ils sont peu nombreux à vouloir endosser et accepter ce challenge. Cet été-là avait été très what the fuck, c'est-à-dire que on nous annonçait Kevin Durant, Kyrie Irving. Rappelez-vous le All-Star Game qui avait eu juste avant où ils sont les deux en train de parler dans les coursives, deux contrats max. Tout le monde était là en mode tiens, ça va aller aux Knicks. Et on va avoir le first pick, donc Zion. Et rappelez-vous, les Photoshop, Zion plus Durant plus Irving. Ça commence par le choix 3 que tu as à la draft, donc Zion sous le nez. Et puis les premières heures, première minute exactement, on chope RJ Barrett, meilleur choix qu'il y avait à faire à ce moment-là. Et lors des premières minutes de la Free Agency, Là, tu as la première annonce Kevin Durant à Brooklyn chez le voisin et Kyrie qui suit. Et là, tu te dis, bon, sur quoi on va? Et Julius signe le premier jour dans les premières heures. Je pense que c'était vraiment le plan B. Comme je dis, il sortait d'une belle saison la Nouvelle-Orléans de Jrue Holiday et de Anthony Davis. Il avait été plutôt bon et donc il signe au Knicks. Il vient au Knicks dans un rôle de patron. Première saison un peu compliquée, encore une fois, on fait pas grand chose. Lui nous sort une ligne de stats, mais son jeu ne plaît pas. Trop bully, trop fermé, trop hier. Ton jeu ne plaît pas. C'est aussi la saison du Covid. C'est une saison qui a été tronquée. C'est la saison. Il y avait beaucoup de choses qui ont changé sur cette saison. Changement de coach. On est passé de Fizdale à Mike Miller en cours de saison. C'est ça. Et au final, tu te retrouves à nouveau le lottery pick. Et là, le front office part sur Roby parce qu'on se dit bon, en gros, Julius, ça va partir. Ça va partir et ça va être Obi Toppin. Ça va être pour le. On l'a annoncé comme le Stoudemire 2.0, rappelle-toi, c'est vrai, le même numéro, même jeu, un peu physique, un peu dans machin. Des similitudes, effectivement. Il y avait des similitudes. Et en plus, Obi avait été le meilleur joueur de NCAA, je crois. Il avait eu le titre MVP. Enfin bref, Ça fait pas tout, ça fait pas tout. Et finalement, cette année-là, cette année post-Covid où les salles étaient vides, Julius est énorme. Julius est énorme. Il, Ah, il produit à sa ligne de stats, là, je l'ai sous les yeux, 24 points, 10 rebonds. Tu as également 6 passes. C'est énorme. Tout ça en 37 minutes. Il shootait à 3 points. Il shootait à 40%. 41% à 3 points. Ouais. Et c'est tout logique que donc les Knicks vont en playoff et que lui se voit récompensé d'une première sélection All-Star. Il est dans la seconde All NBA Team. All-NBA Team. Il est dans la seconde All-NBA Team. Et il est classé 8e dans le MVP. Et il est MIP. Et il est MIP. Bref, saison de tous les records, un Julius fantastique. Des playoffs qui se passent moins bien. Des gens qui. Voilà, après, derrière, les gens disent qu'en effet, il s'est chié dessus. C'est vrai qu'il n'a pas été excellent. Cependant, c'était la vraie force de ces Knicks. C'est-à-dire que les Hawks n'ont pas été débiles. Ils l'ont. Ah, ils ont fait des prises à deux non-stop sur Ah lui. ouais, Et ben ouais. Et après, derrière, à ben partir de ce malheureusement. moment-là, on a vu que des prises à deux de toute la ligue sur Julius Randle, même pour les saisons qu'on suivit. On Et savait qu'en lui mettant deux joueurs sur le dos, bah, il c'est allait pour ça s'en mêler les pinceaux et. qu'il fallait une deuxième star, parce que RG, c'était pas trop ça, pour en tout cas sur ces playoffs-là. IQ, c'était tout nouveau rookie. Oubi, c'est pareil. Et on avait un Derrick Rose qui a fait le taf, qui a fait le café. Cependant, ça n'a pas suffi. 4 à 1, tu rentres chez toi. Problème, c'est que là, maintenant, Julius a une étiquette de choker. Toujours à relativiser pour moi. Hein. Enfin, en plus, il faut pas On oublier fait que pas du clubisme, mais effectivement, dire que l'échec des Knicks en playoff sur cette saison-là, déjà, c'est aussi la réussite d'avoir ramené les Knicks en playoff déjà. avec l'avantage du terrain. Et oui, Une quatrième tu place finis aussi, quatrième. sur une saison particulière et sur un effectif qui n'était pas non plus forfaron. Il faut se Non. rappeler qu'on avait Elfrid Payton comme meneur Rennes. titulaire, qui depuis ne joue plus en NBA. Donc voilà, le temps passe vite aussi. T'avais Reggie Et. Bullock, t'avais Nerlens Noel, t'avais Alec Burks, Alex Burks, t'avais ben voilà, t'avais tout, t'avais Frankie, qui avait Frankie qui est Frankie envoyé sur zéro la minute. dernière Mais possession du match 1 contre Trae Young voilà. pour défendre, pour le stopper. Au final, on se prend Mais un panier et boum, fin voilà, de donc l'histoire. il fait une saison régulière exceptionnelle qui ramène les Knicks en playoff. Et ça faisait combien de temps, je crois que ça faisait 8 Bah, un ans, bon petit un truc moment, comme puisque ça. c'était les saisons mélo, en fait. On n'avait pas eu de playoff avec les. Kristaps Porzingis n'avait pas Non, ramené la les dernière Knicks fois en qu'on avait fait playoff. un playoff, ben c'était avec Carmelo, le Spud, 2014. et c'est ça. Donc Donc, voilà, on sortait d'une grosse disette, d'une grosse période difficile. L'année Covid, bah, elle n'a pas permis d'atteindre les playoffs parce qu'on était aussi sur une équipe qui était en reconstruction, qui était bancale. Cette année, cette saison du WIR, c'est la première saison de Tom Thibodeau aussi. Il y a un effet Exactement. Thibodeau là-dedans. Donc on a quand même aussi une proximité entre ce joueur et ce coach. Un joueur qui avait quand même un côté caractériel, crispant dans le jeu, mais qui a porté l'équipe sur son dos, faute de mieux, faute d'un meilleur accompagnement, faute d'un meilleur supporting cast. Et en ça, il faut qu'on lui rende aussi ce qui lui va de droit. Il n'a pas été parfait, ce Julius Randle, il était caractériel, il a aussi une pression, une attention des équipes adverses. Bien sûr, l'arrivée de Jalen Brunson l'a soulagé énormément de tout ça, et il Énormément. a continué à performer. Il a continué à Il a performer. continué à Malheureusement, performer. Il a l'incident continué de à être. parcours, c'est la saison entre les deux, quoi. Ouais, Après c'est pas. WIR. La saison 2021-2022, mais c'est la saison où tout le monde est passé au travers. C'est la saison où, évidemment, le front office est passé au travers en se Ouais. disant, ah ben tiens, on va partir sur une équipe offensive, mais avec un entraîneur défensif. Donc, Bon, ceci dit, où tu on dégages. part encore, on repart sur un projet offensif avec. Bon, on va y On part sur revenir. un projet offensif avec OG et Mikal Bridges. C'est un peu plus équilibré, C'est un peu plus, c'est quand même vachement défensif quand même, mais hein. c'est sûr que Kemba, Evan, la prolongation de Derrick, Dallaire la Burks. prolongation de Nerlens Noël qui était blessé, tout ça n'a pas aidé sur cette saison-là et c'est une grosse Tu prolonges déception. cet été-là, tu prolonges Derrick Rose, tu prolonges Alec Burks, tu fais partir Reggie Bullock, tu Une prolonges sorte de Nerlens Noel. continuité, mais ouais. Il y a une continuité, mais le problème, c'est que d'ailleurs, tu vas chercher Kemba, qui là aussi, lui, il a la santé dans la boîte à gants. Et tu vas chercher Evan, On l'a vu. qui malheureusement, bon, il a eu un record de franchise qui a duré une saison, mais qui n'était pas fait, en tout cas, pour le jeu que Tom Thibodeau lui demandait. Donc, il y a eu cette saison-là où tout le monde est passé au travers. Mais du Et... coup, qui a cristallisé les critiques? C'est Julius Et... Randle. Et Là, c'est vrai qu'à ouais. partir de ce moment-là, cette histoire de pouce en De bas, pouce en l'air. voilà, il y a eu une cassure, une rupture avec une partie de la fanbase, des médias aussi, hein. Les médias se Mais il y a sont eu une engouffrés rédemption. là-dedans facilement, quoi. Mais il y a eu une Mais il y a eu la rédemption rédemption, ouais. la saison suivante. La saison suivante où, à nouveau, et là, comme tu dis, l'arrivée des JB lui a fait énormément de bien. À nouveau, eh ben, il produit. À nouveau, il est All-Star. À nouveau, enfin, il est All-NBA, encore une fois. Je veux dire, le bilan de Julius Randle chez les Knicks, c'est trois All-Stars et deux fois All-NBA Team et un titre de MIP. C'est un mec qui Et aura compté pour en la franchise. cinq saisons, voilà, trois campagnes de playoffs, même si malheureusement, il y a aussi les blessures, faut pas En les cinq oublier. saisons, voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est un mec qui comptera dans l'histoire des Knicks. C'est pas quelqu'un que tu peux dire, enfin, de pas le mentionner. C'est Julius C'est Randle. difficile. C'est difficile de faire l'impasse. Julius Ça a été le Randle visage de l'équipe, et la transition avec Jalen Brunson. fera partie des meilleurs ailiers forts qui ont porté la tenue orange et bleu. Il fera partie des Meilleur meilleurs. que. Meilleur que. Alors voilà, là on va poser une question et puis on va vous laisser en commentaire si on devait faire un classement des meilleurs ailiers forts. Alors vous me parlerez de Charles Oakley, vous me parlerez sûrement peut-être de Karl-Anthony Towns. Est-ce que c'est un ailier fort, un poste 500? On verra un petit peu plus tard. Mais est-ce que vous le mettez devant ou derrière? Non pas Carmelo Anthony. Il a joué plutôt 3, hein. C'est un peu un poste bancal. Mais devant ou derrière Amar'e Stoudemire? Hein? J'aimerais bien savoir votre avis, parce qu'on a une carrière qui est à peu près, un passage aux Knicks qui est à peu près aussi long, hein, à peu près Son 5. passage, par rapport à son passage au Knicks? Eh oui, il y a 5 saisons pour le Stoud, mais il y a moins de matchs. Julius tous les jours. Mais Julius. Aujourd'hui, dans la cote d'amour Mais. des fans, Ah, mais. il y a quand même une cote qui est plus Julius. élevée pour Amar'e, Mais là où. il a plus on va dire, d'achievement qu'Amar'e Stoudemire. Amar'e Stoudemire, C'est mon avis aussi. C'est première mon avis saison aussi. incroyable. Mais Julius Randle. Quand même, trois fois All-Star avec le maillot des Knicks, deux fois NBA, trois campagnes de playoffs. Alors ouais, en effet, comme tu dis, trois campagnes. Finalement, il n'en fait que deux. Et il en fait deux et on pourra le qualifier de choker sur sa campagne de playoffs. Mais n'empêche que les saisons régulières, il les fait. Il est quasiment pas blessé, hein. Sa première saison, bon, il fait 64 matchs, comme tu dis, amputé du Covid. La deuxième, 71 matchs. La troisième, 72, 77. Et l'année dernière, où en effet, bah, il se luxe l'épaule et il était 46 sur 46. Moi, pour moi, il n'y a pas de débat, en fait. Je ne vois pas le Ok. débat où il pourrait être entre lui et Oui, Amar'e Stoudemire. mais voilà, je pose la question, mais dites-moi en Ouais. commentaire si par rapport à un ranking all-time des Knicks au poste 4, je ne demande pas L'arrivée qui est numéro d'Amar'e, 1, j'ai plus numéro de 2 doutes. all-time, mais qui vous mettez devant, Amar'e ou Julius? L'arrivée d'Amar'e Stoudemire fait plus de bruit. Quand il arrive, Mais. c'est fracassant. Knicks Quand are il back. exactement, quand il arrive, c'est La punchline fracassant. qu'il faut. Et il est voilà. Et puis en plus de ça, c'est que l'équipe est séduisante avec les Gallinari, les Mozgov, Oh, on les s'en souvient, on s'en Felton, souvient. les Wilson Chandler. Je veux dire, l'équipe marchait bien autour de lui. Ça était dans le top de, t'es dans le top 8 de l'Est. L'équipe et lui, il est All-Star d'ailleurs. Hein, il est All-Star en X hein, cette année-là. Sa dernière fois. C'est sa dernière La fois. dernière fois où il sera All-Star Et en NBA, c'est avec New York et après des blessures qui sont après les suivies, le blessures trade du de Melo. dos qui On va arrivent. pas raconter l'histoire, mais en tout cas, c'est intéressant de savoir. Parce qu'il y a quand même une perception d'une grosse cote d'amour pour Amar'e, sans vraiment se rappeler le bilan exact du bonhomme. Il a remis New York sur la carte, Julius aussi un peu, à sa façon aussi. Julius est la première pierre du projet actuel. Ouais. C'est en ça où, voilà, il est intéressant aussi de prendre du recul. On peut aimer ou pas le joueur, le profil, le jeu qu'il a proposé. On peut dire qu'effectivement, il n'a pas réussi en playoff. C'est pas faire du clubisme ou pas, c'est des faits. Effectivement, il n'a pas fait de bonne campagne de playoff. Il a été blessé parfois, il a peut-être été mal entouré. Bref, en tout cas, il n'a pas eu de grands moments en playoff. Ses grands moments seront plus Non, été en saison régulière. il n'aura pas eu de moment où. Ça arrive à d'autres, hein. Ça arrive à d'autres, hein. Mais en tout cas, voilà, je pose la question. Mais en En tout tout cas, cas, on voulait garder un petit peu de moment merci pour se Julius. rappeler, pour le remercier quand même de son passage. Merci Il a Julius pour. rendu les Knicks crédibles aussi. Ouais, merci Julius pour tout ce qu'il a fait. En tout cas, parce qu'il a toujours dit qu'il aimait les Knicks. Il a toujours dit qu'il voulait ramener un titre à New York. Chaque été, il se l'a donné à fond. Chaque saison, avec la franchise, il se l'a donné. Même si ça n'allait pas avec les supporters, même s'il se faisait huer, il continuait à jouer, continuait à produire. J'avais trouvé personnellement que son jeu, au fil des saisons, avait évolué. Et qu'il était... Et surtout la saison dernière. Ouais, et qu'il était plus dans la distribution. Il faisait bien ressortir les ballons. Hein. Je veux dire que quand y a ce mois, notamment de janvier, OG a été nourri de ballons qu'il lâchait sur les ailes ou dompté, je veux dire, parce que Julius, il fixait et il arrivait à ressortir ce ballon. Et pendant un gros moment, il a été le meilleur passeur de l'équipe. Après, ouais. Quand Jalen Brunson est arrivé meneur, ça s'est un petit peu rééquilibré, mais en tout cas, il y avait ce côté, même si toutes ses passes n'étaient pas le voilà, type, les plus fluides du monde. Mais... Le type, quand même, avec les Knicks, sa ligne de stats, c'est 23 points, on va dire, 23 points de moyenne, 10 rebonds, 8 passes. 10 rebonds, pardon, 5 passes. 5 passes. 5 passes. Un 20-10-5, ouais. C'est plutôt assez rare dans cette ligue. Même s'il y a un gros temps de jeu, en tout cas, voilà, il faut savoir lui redonner ses mérites. Il ne sera pas du titre en juin prochain, malheureusement. Non. Il n'aura pas sa bague en juin prochain, malheureusement. Mais en tout cas, on tenait quand même à lui garder un petit moment pour se rappeler de ce qu'il a apporté. Est-ce que sans Julius Randle, les Knicks n'auraient peut-être pas eu autant de résultats et peut-être que Jalen Brunson n'aurait pas opté pour un projet aux Knicks. Mais oui. On ne sait pas. Il fera partie de l'histoire des Knicks. Il faut lui garder une petite place dans cette histoire, en tout cas, dans cette grande histoire de la famille des Knickerbocker. Et on va aussi parler de l'autre joueur qui nous a quittés, parce que lui aussi, il va partir dans le Minnesota. Il va garder une petite place, au moins une saison, one and done, mais le temps de récupérer un record, le temps de finir meilleur marqueur des Knicks sur le dernier match en playoff, ouais. Bah oui, face aux Pacers, c'est Donte DiVincenzo de Big Ragu, Divo, appelez-le comme vous voulez. L'autre gars des Villanova Boys, qui aurait été pas loin de pouvoir prétendre à avoir des votes, en tout cas pour le vote de sixième homme de l'année, s'il avait eu quelques secondes de plus par-ci par-là. Ouais. Bref, une seule et unique saison, ça a été un peu surprenant qu'il fasse partie du package. Beaucoup ont dit « Oh non, voilà le trade, oh non, je suis dégoûté pour Donte ». Bon, peu ont été pleurés, se sont plaints du départ de Julius, c'est une histoire qui se tourne pour Julius. Et pour les Knicks, mais pour Donte, bah, on s'attendait à ce que ça continue, parce qu'il avait montré de belles choses, parce qu'il avait un contrat bah, qui était tout plutôt très très bon. Ah oui, encore, hein, donc, ah oui. Vu le rapport, l'apport par rapport au prix, le rapport qualité-prix est plutôt un des choses qui se fait le mieux en NBA. Un très bon shooter, malheureusement, bah, encore une fois pour lui, il fait une saison dans une franchise, et puis la saison d'après, c'est dans une autre. Ça a surpris parce qu'on s'était dit, on s'était fait l'idée de voir ces Nova Boys en Media Day avec l'arrivée de Mikal, avec Josh et JB. Et ben non, il va en manquer un. Il n'y aura plus qu'un trio. Voilà, Ryan Archidiakono n'est pas a priori de retour cette fois-ci. Donc on n'aura que trois joueurs de Villanova Boys. Ça a été surprenant, mais en même temps, quand on y réfléchit bien et puis quand on voit les déclarations qui ont eu lieu après, a posteriori, peut-être qu'on comprend un petit peu aussi pourquoi ce move de la part d'Enix, pourquoi aussi cette envie de le récupérer de la part de Minnesota. Il y avait un shooter à 3 points qui a montré qu'il était capable d'en mettre un paquet et il a battu le record ouais. détenu jusqu'à présent par Evan Fournier, donc c'est lui le détenteur. Et il l'a battu devant Evan. Il l'a battu, ou quasiment. En tout cas, celui le plus gros. Il a deux records. Il a le record sur une saison et il a le record sur un match. Effectivement, le record sur un match, c'était face aux Detroit Pistons d'Evan Fournier qui était en défense d'Underdog. Ah ouais, là, il avait tout donné. Il avait tout donné. Mais voilà, donc là, c'était peut-être la surprise du trade. On aurait peut-être préféré un autre joueur, voire partir un autre joueur. On avait, avec l'arrivée de Mikal, on s'était dit, ah bah. Donte va retrouver une place sur le banc dans la seconde unité, et tant mieux, ça va apporter une profondeur de banc intéressante qui va permettre d'apporter du scoring, de la fraîcheur, aussi cette capacité à couper, à avoir de la passe aussi. Voilà, il a montré de très belles choses cette saison, en une seule petite saison à New York. Et ben non, c'est fini. Et les bruits de couloir laissaient entendre que bah, il n'était peut-être pas si heureux que ça de retrouver le banc, d'avoir une utilisation et un temps de jeu réduit. L'arrivée de Mikal, bah, c'est peut-être le copain, mais c'est le copain qui lui pique sa place, quoi. Donc ça, c'était pas trop bien vécu par Donte. Et là où Minnesota avait peut-être besoin aussi de shoot, de shoot extérieur. Hein. On parle d'un bon tireur à 3 points. Ils en perdent un côté des Wolves. Ils vont en récupérer un avec Dante DiVincenzo. Donc là, toi, quel est ton ressenti vis-à-vis de ce départ de Dante? Est-ce que tu le comprends après coup? Est-ce que pour toi, c'est une perte qui va être difficile de remplacer? Voilà, tes réactions vis-à-vis de ce départ. Et puis, on va lui dire aussi merci à Dante hein, pour cette formidable saison. Il nous a fait kiffer sur plein d'aspects. Les interceptions, les dunks, les 3 points. Des moments où on s'est levé de notre siège, hein, même en playoff. Hein, on se rappelle, en playoff de son action mémorable pour aller battre les Sixers de chez eux. Donc, ouais, toi, ton sentiment avec le départ de cet agent zéro? Ah ben, ça aurait été en fait un, tu sais, un shoot quoi, un shoot de kiff, et ça se termine un peu brutalement. Finalement, la descente est dure quoi, comme une soirée arrosée au lendemain matin, t'as la gueule de bois là, c'est un peu pareil, t'as un peu la gueule de bois sur ce départ, tant en fait c'était bien. et tant, en fait c'était bien, c'est à dire que bon, ce pauvre Dante, ben, depuis maintenant la saison 2020-2021, ben, chaque été et ben, il change d'équipe. Il a commencé en 2021, il finissait avec les Bucks, ensuite il va à Sacramento l'été d'après, puis après il va à Golden State l'été suivant. Et puis chez nous, en 2023-24. Et là, ben, en 2024-25, ben, il va faire sa rentrée dans une nouvelle équipe à Minnesota. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Dante? Que au début, ça a été un peu compliqué, Dante. D'ailleurs, on m'avait ressorti des vidéos quand je disais, mais qu'est-ce qu'il a finalement de plus qu'Evan? Parce que c'est vrai qu'au tout début, ben, je me posais la question. C'était un peu... Pourquoi est-ce qu'on a été chercher Dante DiVincenzo? Ouais, est-ce que c'est juste pour faire du copain-copain, pour faire plaisir à Jalen Brunson? Mais bon, si c'est que ça... Moi, Dante, je l'avais lorgné l'été d'avant, lorsqu'il était dispo et qu'il était parti à Golden State. Et j'étais un peu d'aigle, me dire, il est parti, c'est dommage. Et là, on le fait, donc c'était cool. Mais d'un autre côté, tu avais du monde. Rappelle-toi, en début de saison, sur le backcourt, tu avais JB, IQ, Deuce McBride, Grimes, Evan... Et Dante. Enfin bref, ils étaient une chip. Il y avait embouteillage. Ouais. Exactement. Et puis Grimes connaît des difficultés. Il ne rentre pas assez 3. Il est plutôt moyen. Même avant. Avant, en pré-saison, début de saison, c'est Evan qui est titulaire. Oui, c'est Evan vrai. Qui joue et qui perd sa place au profit de Grimes. Evan, il avait déjà perdu sa place la saison d'avant. C'est la saison, pardon. Autant pour moi. Effectivement, la saison d'avant, c'est Evan qui est titulaire. Et puisque justement, l'été dernier, Evan, il avait dit, attendez, vous n'allez pas me garder alors que je suis... J'ai enchaîné les DNP. Et puis finalement, les Knicks, s'ils le gardent, et puis le traderont plus tard, mais finalement, s'ils le gardent. Mais Evan, en fait, il avait déjà perdu sa place. Trop de changement en peu de temps. Quentin Grimes peine à confirmer sa belle saison. Sa belle saison sophomore, finalement, il peine à confirmer. Et Dante, quand il rentre, est productif. Dante, quand il rentre, il amène cette grinta, il amène son shoot à 3, c'est un petit bonhomme, mais qui saute, qui a une détente de folie. Il nous a mis quelques posters ou quelques contres plutôt de haute voltige, et puis surtout la relation avec Jalen Brunson. Et puis les voilà. Deux se trouvaient de façon aveugle. Exactement, t'avais ça, t'avais ce côté aussi très simple avec Hart. T'avais ce côté pas de star, mais non. C'est le groupe la star. Comme en fait, ça a quasiment été ça l'histoire des Knicks. Et cette équipe, en fait, on parle d'Artenstein qui nous a quittés aussi. Mais Dante, en fait, il collait tellement bien à l'ADN new-yorkais. Il collait tellement bien dans sa façon de jouer, dans sa façon de se battre, dans le bonhomme aussi. D'origine italienne, tu vois, on connaît la communauté italienne, de New York. À New York. Qu'est-ce qui se passe? mais ce que je veux dire, c'est voilà, et c'est vrai que quand on a su après le trade qu'en coulisses. Finalement, il n'était pas si hype que ça par le projet Nova Boys. Qui, voilà, il n'était pas finalement... Je pense que les trois, ça allait bien. Quatre, c'était peut-être trop. Et surtout, comme tu dis, c'est que ben, d'un coup... Il était rétrogradé, quoi. Et d'un coup, malgré sa belle saison, parce que ben, il fait une excellente saison et des playoffs fantastiques. Ouais. Et bien, malgré ça, on lui tape sur l'épaule et on lui dit « Bon, mon coco, tu vas retourner sur le banc, prendre tes 15 minutes. » Et pour lui aussi, en fait, ça a été un tel shoot de kiff, comme pour nous, que la descente… Il avait envie de... La descente, il ne la veut pas, en fait. Et puis, il était apprécié des fans. Ouais. Voilà, il y avait une communion totale avec ce joueur. Exactement. C'était difficile. Et on se posait des questions vis-à-vis… Voilà. Avant que le trade se fasse, quelles vont être les rotations? Est-ce que c'est Mikal qui va au poste 2? Moi, Mikal, je n'ai jamais vraiment vu comme un poste 2. Il est très long. Pour moi, c'est plus un poste 3. Donc voilà, on pouvait se poser des questions. Moi, Mikal, c'est un poste 3 aussi. Moi, c'est un poste 3 voilà, aussi. Beaucoup se faisaient des projections avec Mikal Bridges en poste 2, OG en poste 3 ouais. Et Julius en poste 4 et Mitch. Bon, dès qu'on a su que Mitchell Robinson était out, bon, bah ok, c'est pas grave. On va mettre Julius Randle en 5. Le small ball, c'est pas un gros mot, ça existe, ça a marché avec les Warriors, donc pourquoi est-ce que ça marcherait pas? Tout le monde dans la ligue ne joue pas avec des pivots dominants et ne axe pas son jeu en principal sur un poste 5, donc pourquoi pas? Et auquel cas, là, le poste 2, on peut peut-être trouver une place soit pour Hart, soit pour Dante, ça a bien marché. Donc voilà, il y avait un scénario, on se projetait, parce qu'on arrive au training camp, c'est aujourd'hui, c'est le Media Day. Ça commence. Les affaires sérieuses vont commencer aujourd'hui. Voilà, on se projetait sur, bah voilà, il y a de la place encore pour ces gars-là. Et puis, le jour où Mitch revient, bah, on a de la profondeur de banc, il y aura des blessures dans la saison. Donc, il y aura de la place pour tout le monde, peut-être un peu moins de temps de jeu. Mais voilà, on se projetait sur ça. Et non, ce vendredi, dans cette nuit de vendredi à samedi, bah non, Dante, tu vas faire tes valises avec Julius. C'est peut-être ça aussi qui a... était l'élément déclencheur au final d'un accord de la part des Wolves pour récupérer ce package en contrepartie de Karl-Anthony Town, parce qu'on a un joueur qui a pu montrer, donc est-ce qu'il va trouver un rôle de starter à Minnesota, ça c'est pas sûr, c'est pas certain, clairement pas, mais il a pu montrer son apport, il a pu montrer qu'il était un joueur qui peut jouer de différents niveaux, sur différents aspects, qui a ce côté slasher, qui a ce côté shooter aussi à 3 points, qui peut prendre des gros volumes et qui a un gros pourcentage. C'était le meilleur shooter à 3 points d'Enix la saison dernière, donc c'est pas rien. Et puis dans l'histoire, maintenant, il laissera sa trace avec ses initiales. Ah, et puis ce dagger contre Philadelphie... Ah, mémorable, on l'a ressorti, et forcément, il nous a fait vibrer encore une fois, encore une dernière fois, cette dernière... un shoot de kiff, et ben on l'aura eu là. Mais voilà, c'était finalement l'arrivée de Mikal qui décalait, qui rebattait les cartes. Et pour les Knicks, ils ont fait le choix. Alors c'est aussi, couillu, je ne retrouve pas le terme, mais c'est aussi important de montrer que finalement, les Nova Boys, on les pensait intouchables. Et moi, c'était une interrogation de se dire, bah oui, si on a besoin de faire un move, est-ce qu'on va aller taper dans ce quatuor des Nova Boys? Est-ce qu'ils sont indissociables maintenant? Et auquel cas, c'est un frein? Ça peut être un frein après, pour des Knicks. Je pense qu'il n'y a peut-être pas la même proximité entre Dante, vis-à-vis de JB, je parle. On sait que Hart... Et Josh. Josh est quand même beaucoup plus proche de Jalen Brunson. Et Mikal Bridges aussi. Mikal Bridges, il est très ami de lui. Et après, bon, il y avait Archie Diacono qui était, lui, le témoin d'un mariage de Jalen Brunson. Mais bon, lui, son niveau fait que il n'a pas sa place pour une franchise NBA. Et Dante, quelque part, c'est vrai que c'était le poteau le poteau de fac. Même si Josh Hart, il avait dit après, je crois que c'était après coup, pendant les playoffs, il dit « Ouais, mais nous, on est amis, on est comme des frères. » Bon, il y a toujours des préférences dans une famille. Et je pense que c'était le frère peut-être un peu moins préféré, malgré ce qu'il a apporté. Mais ceci dit, Dante DiVincenzo, enfin, moi, je le trouvais mais tellement parfait, en fait, pour les... Tellement attachant. Tellement attachant, et puis je te dis, il a trouvé sa place. Pour moi, il avait trouvé sa place. Pour moi, il était parfait pour les Knicks. Enfin, c'était vraiment le joueur calibré pour cette franchise. C'est Je sais pas comment je peux arriver à l'expliquer, mais... Dans l'état d'esprit, il a porté ce qu'on aime, c'est Ouais, l'engagement, c'est c'est de ça. tout donner, de pas se ménager. Et Pas bah de voilà, il était talentueux aussi. frasque, pas de... Non. Pas de... Pas de... de comment dire, d'état d'âme. Le mec, il était là pour le jeu, ça jouait. Voilà, ça. Et puis, à défendre les copains, si à un moment donné, il fallait aller parler à Embiid, les yeux dans les yeux. Oh, il avait pas, même s'il lui manquait quelques Ouais. centimètres, il allait à la bagarre, hein. Et Il ben allait à la il allait à la bagarre. bagarre. Donc c'est vrai que, et ben coup sur coup en fait, tu perds deux personnes. Quand je dis tu perds Dans deux l'esprit personnes, new-yorkais. ouais et On en peut parler l'espace. avec les mains quand on parle de Dante Ouais mais tu DiVincenzo. On vois, peut mettre les mains. tu perds en l'espace de deux mois, tu perds d'un Hartenstein, côté mais ouais. Hartenstein et d'autre côté lui. Et quelque part ils étaient presque un peu similaires dans comment dire, dans l'état d'esprit. Et c'est-à-dire des mecs. Pas de bruit. Par contre, sur le terrain, s'il faut laisser son cœur, s'il faut laisser son âme, ils donneront tout. Et c'est en ça que les Knicks ont fait une intersaison. Comment dire? Intrigante. Quand tu vois tout ce qui a été fait par Leandro, tu dis waouh, ok. Mais d'un autre côté, tu te dis attention, attention que ces mecs-là, quand il va falloir à un moment donné aller à la maillotche, et puis bah, voilà, tu La vois. fameuse maillotche. Tu vois l'exemple du 3 contre Philadelphie. Hartenstein se jette au sol. Se jette comme un mort de faim au sol. Tiens, il arrache le ballon, quoi. Est-ce qu'on va retrouver cet engagement de la part des nouveaux Knickerbockers? C'est On ça. verra, ça on va venir en discuter. Mais en tout cas, effectivement, il ne faut pas négliger non plus l'apport de ces excellents role-players parce que, il faut Ouais. le dire, ce n'est pas des joueurs stars, ce n'est pas censé être des joueurs titulaires dans n'importe quelle franchise NBA. Ils se sont révélés de par l'opportunité, de par la Est-ce qu'il situation, refera de une par leur saison qualité de pareille? jeu. Est-ce que Dante refera une saison pareille? Ça va être une interrogation. Même si jusqu'à présent dans sa carrière, il a quand même toujours très bien shooté à 3 points. Donc, mais une saison à 15 points, 15 points, 3 rebonds, 3 passes, Ça va être dur de produire autant, quoi. est-ce Surtout qu'il. qu'il a eu un temps de jeu qui est monté à un moment donné très très haut, Il est. de par toutes les blessures Il a et... été à 29 minutes de temps de jeu. Mais tu vois, ça sera quelqu'un, tu te diras, oh, il est passé par les Knicks. Et ouais, Ah, il nous a fait kiffer. Et peut-être que son prime sera été à New York. Et peut-être. cette saison-là, on a vraiment kiffé. Donc encore une fois, Ah grazie mille, ouais, non, mais Dante. c'est vrai, hein, ça nous a déchiré le cœur, hein, enfin, ce trade, après, voilà, maintenant, bon, on a Karl Anthony Towns, on va en parler. Voilà, on va y venir, on va en Mais parler, on va arriver au gros chat. c'est vrai que cette saison dernière a été extrêmement, comment dire, sentimentale. Cette saison dernière a été, Attachante. elle nous aura tous On a marqués kiffé, on a parce kiffé. que les joueurs étaient tous excellents. Il y avait comme tout, enfin, je veux dire, il n'y avait pas une tête de con, il n'y avait pas un mec, tu sais, dire, oh, non, là, tu sais, tous étaient cool, tous étaient fun, tous étaient, tu vois, il y avait une vraie osmose d'équipe, tu vois, tu sentais que il y avait quelque chose, tu vois, avec le gourou devant, Tom Thibodeau, les dogs derrière, tu vois, et allez-y les gars, mordez les mollets. Est-ce qu'on arrivera à retrouver tout ça? On avait des dogs, maintenant on a un chat, Et on maintenant, a un un gros cat. chat, maintenant. On a un Ça gros va mignon. changer d'ambiance. Comme tu l'as dit, Tom Thibodeau, Léon Rose a fait beaucoup de changements cet été. Moi, c'est un facteur d'inquiétude, d'interrogation. On avait une équipe qui tournait bien, un groupe qui vivait bien. Chacun avait trouvé sa place. Déjà, il y a eu le départ d'Hartenstein, donc ça, c'est une chose qu'il fallait digérer. Mais le marché a fait que il a été prendre l'argent là où il était proposé important. Et avec un projet sportif aussi intéressant à OKC. Donc ça, il fallait trouver une solution par rapport à son départ, parce qu'il avait trouvé une place importante. Il avait relégué Mitchell Robinson dans un rôle de backup de par les blessures aussi. Là, le départ de Dante, le départ de Julius Randle, l'arrivée de Mikal Bridges quelques semaines auparavant. Et puis, bah, gros move, masterclass à voir, en tout cas blockbuster trade, ça c'est certain. L'arrivée de Karl-Anthony Towns, un joueur qui évoluait au poste 4 la saison dernière, donc on peut se dire que c'est un remplacement poste pour poste, un ancien All-Star aussi, même il était All-Star la saison dernière. avec Minnesota. Minnesota qui a fait une très belle saison, qui a buté en finale de conférence, et un Karl-Anthony Towns qui jouait bah, à côté d'un DPOY, d'un Rudy Gobert, qui était lui bien ancré au poste 5. Donc on a un joueur intérieur plus grand que Julius Randle, clairement, on gagne en centimètres, là où on avait une équipe qui était peut-être un petit peu basse, un peu petite. Parfois, eh bien avec l'arrivée d'OG, déjà on avait retrouvé du centimètre, on avait retrouvé un côté athlétique. Avec Mikal, on retrouve encore quelqu'un qui est doté d'une très grande envergure. Avec Karl-Anthony Towns, on a la mobilité et la grandeur. Donc là-dessus, c'est plutôt intéressant vis-à-vis du côté athlétique de l'équipe. Seul Jalen Brunson est petit, mais bon, un meneur, c'est pas grave non plus qu'il soit petit, au contraire. Et puis il s'en sort plutôt bien avec ses qualités athlétiques tout de même et son footwork. Karl-Anthony Towns, lorsqu'on perd Dante DiVincenzo, bah, on trouve quand même un shooter à 3 points qui est plutôt élite, qui est plutôt bon. Il a gagné, hein, si je dis pas de bêtises, oui, il a le gagné. Concours à 3 points. Ouais. Il se voulait, il se déclarait, il s'autoproclamait comme étant le grand, le big, meilleur shooter de l'histoire. Bon, on vous laissera vous faire un avis sur le sujet, mais en tout cas, à Minnesota, dans ses nombreuses saisons qu'il a passées là-bas, avec les Wolves, avec les Loups, il s'est montré plutôt bon dans le shoot extérieur, à shooter régulièrement, voire systématiquement à plus de 40% de réussite. Donc ça, là-dessus, ça va être plutôt intéressant. On va avoir un intérieur qui s'écarte et qui est fiable normalement dans l'exercice. Donc ça va normalement offrir des lignes de drive plus importantes que pouvait l'offrir Julius Randle quand il s'écartait, parce que ça va être une menace plus importante. Les défenses adverses vont avoir du mal à faire l'impasse sur un Karl-Anthony Towns lorsqu'il est ouvert, et lorsque JB lui aussi veut peut-être prendre un petit shoot à 3 points. On va avoir des joueurs qui sont plutôt... Dans cet effectif d'Enix dorénavant, avec Mikal, avec OG qui est plutôt bon dans le corner aussi, on va avoir quasi que des shooters. Il va falloir voir qui vient intégrer ce starting 5, parce qu'on le sait, à la rentrée, à la reprise, on n'aura pas de Mitchell Robinson. Donc qui va devoir jouer au poste 5? Il est fort probable que ce soit Karl-Anthony Towns. Un Jericho Sims à côté d'entrée de jeu ou un Precious Achiuwa serait plutôt une surprise du chef Thibodeau. Et sauf blessure d'un autre des ailiers que sont Mikal et OG, on s'attend à retrouver Karl-Anthony Towns qui joue au poste 5 d'entrée de jeu, d'entrée de saison. Est-ce que ça sera tout le long de la saison? À voir. Mais en tout cas, voilà, on aura quand même un poste 5 qui deviendra une menace offensive, là où on était habitué à avoir un Mitchell Robinson bah, qui attendait sous le cercle quelques alley-oops ou rebonds offensifs. Donc ça va changer des choses côté New York, clairement. Il va falloir que Jalen Brunson développe cette connexion avec Karl-Anthony Towns. Karl-Anthony Towns, il a joué avec Mike Conley, donc il a un vécu quand même avec des meneurs de qualité, mais voilà, ça va être une relation tout autre qu'il va falloir installer. C'est un gros chat, c'est une grosse pièce, c'est un gros salaire qui arrive, ça aussi il faut le dire. La situation contractuelle de Karl-Anthony Towns et des Wolves les poussait à faire un move. Ils ont fait leur choix, ils récupèrent Julius Randle qui est en dernière année de contrat et Dante DiVincenzo qui avait quelques saisons mais avec un contrat assez faible. Là, Karl-Anthony Towns, il reste quoi? 3-4 saisons encore de contrat avec un contrat plutôt élevé. Hein. L'agent anciennement Léon Rose avait très bien fait son travail pour rendre son client le plus riche possible. Maintenant, voilà, il va peut-être un peu faire grise mine quand il va devoir voir les services comptables d'Enix. On va avoir le joueur le plus grassement payé. Ça va pas être Oji Anunoby, ça va pas être Jalen Brunson, non. Ça va être Karl-Anthony Towns. Jusqu'à ce qu'il y ait peut-être une prolongation ou un autre joueur. Mais en tout cas, là, on arrive dans des hautes sphères de contrat côté New York. Et c'est peut-être ça aussi qui a rendu le joueur disponible. Maintenant, sportivement, on en a parlé un petit peu. Contractuellement, on en a parlé. Toi, tu es fan de la signature. Tu étais fan de Karl-Anthony Towns avant. Tu es fan maintenant parce que forcément, c'est un joueur TEDx. Comment tu as réagi quand tu as appris que c'était Kat qui venait, qui débarquait? Là, on peut parler d'un blockbuster trade. D'un joueur star. C'est un blockbuster trade hein, quand on parle d'un trade All-Star. Comme tu disais, à Leon Rose, cet été, il a envoyé 4 joueurs en trade. Donc il a envoyé Bojan Bogdanovic, il a envoyé Julius Randle, ouais. Dante DiVincenzo, Keita Baetes Diop, qu'on avait récupéré dans le trade de Mikal, et Daquan Jeffries, qu'on a fait signer en 4ème vitesse pour pouvoir matcher les salaires. Donc même ça fait 5 joueurs, pardon. Et il a envoyé au final 4 premiers tours, enfin en tout, donc 4 premiers tours à nous de draft, plus un swap. Il a envoyé le tour 2025 des Bucks protégés et le tour 2025 des Detroit Pistons protégés, plus un second tour de draft. Donc tu vois ça. Hyperactif. Hyperactif le Léon. Énorme. Sachant qu'on sort d'une saison où il y a des résultats, où l'équipe a performé, il n'y avait pas urgence à, entre guillemets, tout casser, tout chambouler. C'est ça. Et pour autant, bah, on a été hyperactif. On n'a pas attendu. C'est ça, on a été hyperactif là-dessus. Moi, j'ai pas eu la hype. Je comprends la signature. Et je vois en plus, et je vois donc le système de jeu. Jimmy va avoir des lignes de drive de l'enfer. Parce que bah, forcément, tu peux pas laisser un mec comme Karl-Anthony Towns seul ouvert en sachant que ce type shoot à 40% à 3. Tu ne peux pas laisser un mec ouvert en sachant que son meilleur spot, c'est le coin, c'est le corner pour OG Anunoby. Et tu ne peux pas laisser un mec comme Mikal Bridges ouvert également. C'est un talentueux, il sait mettre le ballon dans le panier. Cependant, j'ai énormément de doutes. Alors après, c'est ce que je dis maintenant. Hein, et parce qu'il faut qu'on parle, donc on se mouille. T'inquiète pas, les gens vont séquencer, ils vont dire voilà. Ouais, mais je vois pas la différence entre Karl-Anthony Towns et Jericho Sims. Alors même si attention. Attention, il a travaillé cet été. Je vous invite à regarder les vidéos de Jericho Sims. Son jeu au poste, c'est 3 points. Il les a travaillés. Attention, on est peut-être sur quelque chose là. On va voir. Hein. On va voir, j'en dis pas plus. On en reparle. J'en dis pas plus, mais peut-être que la saison... Tu vois la saison de fou de Julius, là Bon, enfin bref. le souci de Karl-Anthony Towns, c'est un mec qui se blesse aussi. Je veux dire, alors au théorique, au début, que les 4 premières saisons de sa carrière, elles sont au taquet, il se blesse pas. 89 matchs sur 82. Depuis 2019-2020, donc bon, 35 matchs, ok. Je crois que c'était la saison amputée par le Covid. En plus, le pauvre, il a eu sa famille qui a été décimée par cette foutue maladie. Mais derrière, la 2020-2021, il joue 50 matchs. La 2021-2022, il joue 74 matchs. La 2022-2023, il joue 29 matchs. Et la saison 2023-2024, il joue 62 matchs. Alors, on se plaint de Mitchell Robinson. On va se plaindre et on continuera à se plaindre de OG Anunoby. Mais en termes déjà aussi d'homme de verre, je crois qu'on a récupéré encore une fois un joueur. Parce qu'on me disait DeAndre Ayton, attention, il est soft. Alors ouais, Karl-Anthony Towns est aussi connu pour sa softitude, mais il est également fragile. Ouais, c'est ça. Il est également... Tout à l'heure, tu parlais de ce côté, est-ce que les joueurs sont faits pour New York, sont dans l'esprit new-yorkais, je me jette au sol, je vais mettre des coups, tout ça. Alors, c'est pas l'étiquette avec laquelle arrive Karl-Anthony Towns. Même si on a ressorti la petite vidéo de la bagarre avec Joel Embiid, oui. Et ça, forcément, nous, fans des Knicks, ça nous fait encore plus plaisir parce qu'on n'aime plus tellement Joel Embiid. L'ennemi de ton ennemi... New York, j'ai du mal à comprendre. L'ennemi de ton ennemi est mon ami. Donc voilà. Mais ça peut aider à l'intégration. Mais tu vois comme tu dis, est-ce qu'il est fait pour New York? Est-ce que lui se serait jeté sur le ballon comme Martin Stein? Alors en termes de talent, évidemment que c'est un hyper talentueux. Je pense est-ce que déjà la question aussi. J'ai posé une question tout à l'heure. Je pense avec Julius par rapport à Stoudemire, est-ce qu'il est plus talentueux que Julius? Je le vois on plus. Je dire en commentaire, mais je le vois plus talentueux que Julius. On parle pas là de. On parle. Comme certains disent, ouais, il s'assoit pas à ma table. Bon, Julius, il s'assoit à la table de Karl-Anthony Towns. Est-ce que maintenant c'est lui qui passe la commande? C'est autre chose. Mais il est à sa table. Au niveau salaire, peut-être que Karl, il peut. Oui, mais est-ce que voilà, il peut payer. Karl, il peut payer à la carte. Mais il paye pour toute la table. Mais ceci dit, en termes de talent. On est dans le même range de joueurs. On est dans le même type de joueurs. Je pense cependant qu'il est peut-être un peu plus talentueux. Mais ça, voilà, ça regarde que moi. Que Julius, du moins. Maintenant, quid de justement sa santé, de ce que ça va donner. Quid de cette relation. Et t'as bien fait d'en parler. Parce qu'il n'y a pas... Jalen Brunson, il a toutes les qualités du monde. Mais il y a pas de relation, il développe pas de relation 1-5. Après, je veux dire, il le joue... pourquoi, c'est aussi parce qu'on a un Mitchell Robinson qui va pas pouvoir proposer jusqu'à présent beaucoup de choses offensivement. Mais Mitchell Robinson, je est-ce qu'on que... arrivera à mieux proposer cette relation, cette connexion? Il va falloir de toute Mitchell façon. Robin... On parle pas du même joueur. Je veux dire, avec Mitchell Robinson, il y avait du, comment ça s'appelle, du pick and roll. Ouais, du non. Pick and, ouais, du pick and roll, exactement. Et jamais il l'a trouvé. Alors que justement, il roule bien, tu vois. Il roule très bien au cercle, tu vois. Mais tu peux arriver à le trouver, c'est un albatros. Avec Carl Anthony Towns, tu vas mettre en place du pick and pop. Est-ce que pour autant il va le chercher? Est-ce que pour autant il va le, tu vois? Est-ce qu'il va... C'est ça que je veux dire, c'est que cette relation. J'espère. En fait, moi, il y a quelque chose que je n'aime pas tellement dans cette NBA moderne, c'est ces grands, ces extérieurs, ces intérieurs qui passent leur temps au large. Avec Carl Anthony Towns, on a plutôt un spécialiste, parce qu'il est bon dans son shoot à 3 points, et il a raison d'en profiter. Il peut shooter même des fois très loin derrière la ligne. Mais c'est bien aussi que tu profites de ta grandeur, de tes grands bras, longs segments, pour dominer dans la raquette. Parce qu'il y a un moment donné, il faut pouvoir proposer cette alternance. Des joueurs type Dante DiVincenzo qui sont petits, qui doivent shooter à 3 points, c'est normal, c'est un prérequis. Il faut, de toute façon, quand tu as un joueur extérieur, shooter à 3 points. Par contre, si tu es un intérieur qui ne joue plus qu'à l'extérieur, je pense vraiment que, à l'intérieur. Quoi. Je pense qu'il continuera à en prendre des 3 points. Ouais, ouais, il peut pas des 3 points, des rebonds. Le juste milieu. Parce que là, tu vois, en fait, dans sa ligne de stats, tu vois quand il y a Rudy qui est arrivé et que sa ligne est tombée. Jusqu'à présent, ça l'a décalé aussi. Jusqu'à présent, il était à plus de 10 rebonds pris par match. Tu vois? 10 rebonds parce que c'était l'intérieur. 10 rebonds pris voilà. 10 rebonds pris par match, Mitchell Robinson ne le fait pas. Ne l'a jamais fait, ouais. Il ne les prend pas, les 10 rebonds par match. Même si c'est un gros gobeur de rebonds offensifs, on n'est pas à la dizaine de rebonds. Non. Il ne l'a jamais fait avec d'autant de jeux et les responsabilités qui lui ont été données. Mitch a eu des blessures, ça c'est certain, on en parle et la situation est encore présente. Mais effectivement, Carl Anthony Towns, on va le repositionner de fait en poste 5, alors qu'il y est depuis peu, depuis l'arrivée de Rudy, plutôt retourné à un poste 4 qui s'éloigne. C'est un peu comme Anthony Davis, on a envie de faire jouer en poste 5, mais eux ont pas envie de jouer au large. Donc, c'est ça, c'est que je crois que lui veut jouer 5 en fait. Et après, d'ailleurs, moi ça me choquerait pas. Moi, ce 5 de départ où tu as JB, Hart, OG, Carl Anthony Towns et Mitchell Robinson dans le 5, mais ça veut dire que Mikal Bridges, tu le fais sortir du banc pour un mec pour qui t'as envoyé un wagon de tours. Alors, tu mets qu'est-ce que tu fais? Tu mets Mikal en 2, mais c'est pas son poste. Et dans ces cas-là, Hart... Ça, les projections de line-up de Starting 5, on va attendre un peu, voir un peu les matchs de pré-saison, on va en parler la prochaine émission, mais on se pose des questions. Sur l'intégration. Si on veut le faire jouer en 4, forcément, il va y avoir un mec qui va partir du banc. Ouais. Et moi qui commence en 4 avec un Achiuwa, par exemple, en 5, ou un Sims en 5, bon... Pourquoi pas? Ouais, pas fan, moi. Pourquoi pas fan. Mais je pense qu'en effet, ça sera plus un 5. Après, voilà, ceci dit, moi, le move, je ne connais pas la vie entière de la fanbase. J'en ai pas la prétention. Non. Moi, tu m'as posé la question, je suis pas hyper emballé. Voilà, je ne serais pas été... Je veux dire, tu m'offrais à la place... les Minnesota m'offraient à la place Nigel Alexander Walker et Naz Reid à sa place. J'aurais peut-être été plus heureux. D'accord. Ok, je comprends, je vois le genre. Ouais. Je suis pas à la place de Julius et Dante. Oui, ouais. Mais après, d'accord. Écoute, voilà, moi, ça c'est mon avis. Je suis pas GM, je suis pas président des opérations basket. Léon Rose, désolé pour toi. Désolé pour mon compte en banque. Léon Rose a su me montrer par le passé qu'il savait prendre des bonnes décisions. Donc c'est pas des choses prises à la légère. Si lui il est à ce poste et moi non, c'est peut-être pour une raison. Le réseau, juste le réseau de personnes, voilà. De connaissances. Laura, je crois qu'il a plus de charisme. Mais après, moi en tant qu'observateur et voyant le bonhomme, son background de blessure. et sa façon de jouer et notre façon de jouer et le meneur qu'on a, tu vois, on n'a pas un meneur type Haliburton qui est un meneur qui est dans la passe avant tout, quoi. Voilà, nous on a un meneur slasher qui score. Il est un peu plus dans la passe, mais c'est vrai que quand même, quand il a le ballon, il va d'abord regarder le panier avant de regarder les copains où ils sont. C'est pas lui faire injure que de dire ça. C'est un meneur scoreur. Voilà. Et donc, c'est vrai que tout de suite, aller chercher un pivot qui va demander le ballon, OG, il n'en a pas besoin du ballon. Mais alors, autant, Carl Anthony Towns, il n'est pas dans la création. Ouais, mais... Voilà, pour lui, là où Julius pouvait vouloir porter le ballon pour aller se créer son shoot. Alors... Donc, on peut avoir ce côté, il va profiter du système, mais il va demander des ballons. Est-ce qu'il va les avoir? Est-ce que Johan va lui filer? Et bah tout va être... C'est là où va être la difficulté cette saison. Moi, c'est en ça que dans le jeu, quand tu le prends comme ça, en panorama, tu te dis, waouh, il va y avoir un système en fer à cheval et JB va se faire plaisir. On décale. Il va rentrer là-dedans. Il va être, et lui, en un contre un, il est injouable. Bref, il va nous faire une saison, là encore, d'All-Star et de top 5 MVP. Mais dans la réalité des choses, il va falloir voir comment tout ça, je remets les mots dans l'ordre, se met en place. Et justement, il va falloir mettre les joueurs en ordre de bataille pour trouver une bonne façon de faire. On espère que le trade va être officialisé assez vite, parce que pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et donc, a priori, que ce soit Dante, Julius côté Minnesota et Karl-Anthony Towns côté New York, ils ne vont pas participer au Media Day. C'est toujours sympa, les petites photos, les petites déclats, les petits moments fun. Ils vont sûrement capter du contenu. La photo, elle était déjà prédestinée. La photo des 4 Nova Boys, là, elle aurait été géniale. Eh oui, elle ne sera que sur Photoshop. Désolé pour vous, les gars. Ouais. Même s'ils auront été dans la même équipe le temps d'un été, peut encore capoter, t'imagines. On retourne l'émission, on refait l'émission. Non, on va pas refaire l'émission. Mais en tout cas, oui, je te comprends. Et moi aussi, j'étais pas le plus grand fan de Karl-Anthony Towns quand il était à Minnesota. Ça reste un très bon joueur talentueux. Il a eu du temps avant de trouver le chemin du succès, des playoffs. Les blessures, ça, c'est quelque chose qui peut inquiéter. Est-ce que ça sera derrière lui? Est-ce qu'au contraire, il va se traîner ça? Et est-ce qu'on va avoir droit à des saisons de 50, 60 matchs? Il va avoir 29 ans. Il y a le gros contrat. C'est un joueur aussi qui se joue à l'extérieur, ça c'est pas ce que je préfère, même si il le fait très bien. On en a pas parlé de son contrat, c'est 220 millions sur 4 ans. Et il a débuté, il débute là cette année. Il débute cette année avec. Ceci dit, j'essaye comme beaucoup de faire confiance en Léon. Léon était son agent. Faut pas oublier qu'il y a Gershon Rosas aussi qui est dans le staff des Knicks maintenant et qui connaît très bien notre ami Karl-Anthony Towns. Il a été le général manager des Timberwolves, je crois. Voilà, donc c'est pour dire s'il y a une relation de confiance et ils se connaissent, ces gens-là. Tom Thibodeau également. Donc là-dessus, il va savoir comment le faire jouer, savoir quelles sont ses préférences, savoir comment essayer de l'intégrer. Qui mieux que Thibodeau pouvait essayer de l'intégrer dans un système? Voilà. Karl-Anthony Towns, il va avoir le contre-coup de « je quitte Minnesota, c'était chez moi et tout », même s'il pouvait peut-être s'y attendre un peu avec la prise de pouvoir d'Anthony Edwards. Mais il arrive à New York, et New York, il le dit, des vidéos sont déjà ressorties, c'est un Knicks fan depuis de nombreuses années. Donc là-dessus, voilà, il y avait pire que d'arriver dans un projet new-yorkais, un projet Knicks, arriver au Garden. Il est né dans le Mais voilà, ce côté... ouais, je suis un peu fanfaron, un peu jovial, je fais le malin. C'est pas le côté guerrier qu'on ne pouvait avoir chez Julius, même si derrière chez Julius on avait le côté bougon. Voilà, donc c'est bien beau de faire le fanfaron, c'est bien beau de jouer loin, c'est bien beau d'arriver avec le gros contrat. Ça va pas tout faire. Oui, il va falloir se mettre dans un mood. Bon, maintenant l'objectif c'est de gagner le titre avec les Knicks. Léon ne s'est pas caché avec ce move, encore moins déjà avec le move de Mikal un peu plus tôt dans l'été. Clairement, l'ambition, c'est de finale de conf, c'est finale NBA, c'est ni plus ni moins que ça. Donc, il va falloir se donner un petit peu de temps pour que ça prenne. Tu montes pas ce type de roster pour te dire, nous, on veut faire juste mieux que l'an passé, quoi. Là, tu déclares que tu veux taper Boston. Voilà, même si Philadelphie s'est renforcée, voilà, l'objectif, c'est d'être en finale NBA. Donc, passer par les finales de conf et de se donner les armes pour. Donc, à voir. Ce joueur n'a pas atteint ce niveau jusqu'à présent. Il a buté en finale de conf dans la conférence Ouest. Donc ça, c'est autre chose. Mais voilà, y a des armes qui ont été données à Tom Thibodeau. C'est un joueur plus au profil offensif. C'est en ça où tout à l'heure on disait oui, équipe offensif, coach défensif. Ça contrebalance avec du Josh Hart, avec du Mikal, avec du OG. Mais voilà, on n'a pas non plus un rim protecteur excellent, élite. Il va devoir un petit peu jouer, endosser ce rôle. Il va devoir un petit peu attendre que les ballons arrivent de la part de Jalen Brunson. Beaucoup disent, oui, les lignes de drive vont s'ouvrir comme la mer en deux devant Oseki Moïse. Là. Jalen Brunson, il n'avait pas besoin d'attendre que les lignes de drive s'ouvrent pour accéder au panier. Ça va lui faciliter, je pense, quand même. Ça va lui faciliter, mais les défenses adverses vont attendre encore ce Brunson aussi. Parce que c'est vrai là, tu avais quand même un Julius qui quand même jouait quand même vachement plus, vachement mid-distance quand même. Même s'il aimait bien jouer au large, mais et Mitchell Robinson qui était en plein dedans. C'est-à-dire que quand même, devant lui, JB, il avait quand même deux babards, quoi. Là les mecs... Parce que Julius, l'année, saison dernière, rapproché son jeu du cercle, et ça lui réussissait plutôt bien. Donc là, à voir si finalement on a tout le monde qui joue au large, ouais, d'accord. Mais bon, donc on verra comment tout ça va prendre forme. J'espère qu'on aura un petit aperçu en pré-saison, même si les matchs de pré-saison, les adversaires, tout ça, il faudra relativiser ce qu'on va voir. Et d'ailleurs, on va parler du programme, parce que là, on parle beaucoup de tout ce qui s'est passé, on a des projections, on a des envies. On va parler un petit peu calendrier, mais en tout cas, dans un premier temps, j'étais pas fan, parce que je me suis dit, mince, on va perdre en osmose, en alchimie, par rapport à l'équipe, on perd deux éléments qui étaient déjà intégrés, et il faut qu'on en réintègre un, et pas n'importe lequel. Est-ce que Karl Anthony Towns, ça sera la première option offensive, la deuxième option offensive, la troisième option offensive? Il va falloir un peu répartir les munitions. On l'a dit, le franchise player, c'est Jalen Brunson. Karl Anthony Towns arrive dans l'équipe de Jalen Brunson, et pas l'inverse. Donc, il va falloir que Jalen distribue tout ça. Il y a Mikal qui est arrivé aussi. Mikal, il va peut-être vouloir un peu quelques ballons. OG, il a signé un gros contrat. C'est pas pour non plus faire que le défenseur élite. Donc ça va être une recette qu'il va falloir trouver. Et ça va pas être si simple pour ça, pour tous ces joueurs. Il y a eu beaucoup de changements. Le starting 5 de cette saison à venir, il va être complètement différent du starting 5 de la saison dernière. Il va y avoir du travail. Il va y avoir du travail. Il y a des attentes. Les attentes sont légitimes au regard de tous ces moves, de tous ces joueurs, de ce gros joueur. C'est un All-Star. C'est le big move qu'on attendait de la part de Léon. Après, si on veut être optimiste, on dit que quand Minnesota a tradé Kevin Durant à Boston, Boston a été champion. Kevin Garnett, pardon. Pas Kevin Durant, Kevin Garnett. Quand Minnesota a tradé Kevin Love à Cleveland, Cleveland a été champion. Donc à force de trade des big men, peut-être que ils vont... des big men qui étaient tes franchise players. Hein. Tes franchise players. Ouais. Kevin Love à Minnesota, c'était quelqu'un. Hein. C'était la machine. Ah bah c'était la machine à triple double. Machine double, à double double. Hein. Ah oui, double ou triple double. Et puis Kevin Garnett, voilà MVP. Ah oui. Effectivement, mais donc, c'est des profils différents. Donc à chaque fois que l'équipe derrière qui l'a récupéré était champion. À voir. Ceci dit, Kevin Garnett était peut-être plus défensif, Kevin Love moins, voilà, il a réussi à se trouver dans un Big Three. On verra, effectivement. Mais en tout cas, on peut nourrir des ambitions, et j'espère que ces joueurs les nourrissent, parce que Dante l'avait dit avant de partir, oh bah l'objectif c'est les NBA Finals. Bon, et bien avec ce move, l'objectif n'a pas changé. Est-ce qu'on s'en rapproche ou est-ce qu'on s'en éloigne? Ça, c'est le terrain qui nous dira ce qu'il en est. Allez, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé. C'est l'émission de rentrée, c'est la grosse émission, c'est la grosse reprise. Et puis en plus, c'est un gros move, un gros blockbuster trade. On ne pouvait pas passer ça voilà, sous silence ou expédier ça en quelques secondes. On n'est pas là pour faire des shorts, on n'est pas là pour faire des vidéos qui durent 30 secondes pour TikTok. Non, on est là pour vous apporter du contenu. Ça faisait longtemps que vous ne nous aviez pas entendu, que vous ne nous aviez pas vu. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez noté qu'au passage, il y a eu quelques petits ajustements graphiques sur cette émission. Et donc là, j'envoie le petit jingle et on parle du calendrier avant de rendre l'antenne pour une nouvelle semaine de Knicks. Allez, on regarde vite ce qui nous attend cette semaine parce que oui, les Knicks rejouent. Hey, hey. Allez, j'envoie le jingle. Et oui, on est presque à 2 heures d'émission. Voilà, vous prendrez le temps de digérer tout ça. Vous pouvez regarder ça en version chapitrée. Et vous retrouverez encore une fois, vous le savez, l'émission sur les plateformes de streaming audio. Eh bien oui, cette semaine, c'est la reprise. La reprise sur KNF TV. L'association, elle a déjà commencé ses actions, ça, vous le savez. Vous avez les petits bandeaux à droite, à gauche qui défilent. Mais non, c'est la reprise des matchs. On va enfin voir en concret, sur du parquet, cette nouvelle équipe. Alors, qui va jouer, qui va pas jouer? Déjà, Mitchell Robinson, on sait qu'il ne sera pas là. Mais le premier match, c'est ni plus ni moins que dans la nuit de dimanche à lundi, et c'est à 23h. Le match a été avancé. On peut comprendre la NBA qui a envie de voir ses Knicks, donc pourquoi traîner? Faites-les jouer un petit peu plus tôt. Pour nous, reprendre les nuits blanches ou les nuits au sommeil coupé, c'est pas plus mal. Un match à 23h, un match qui aura lieu à Charlotte. C'est pas un match qui aura lieu au Madison Square Garden. Le Madison Square Garden faudra attendre la semaine prochaine. Ça sera dans la nuit de quand à quand, je ne sais plus, mais ça sera dans la nuit du 9 au 10. Je sais plus quel jour ça nous met, tout ça. Vous regarderez sur vos agendas, 9 au 10, ça sera dans la nuit de mercredi. Tu sais que moi j'ai eu un souci, ça a pas marché. C'est la NBA, là, ils ont fourni les trucs pour que tu puisses l'intégrer à ton calendrier Google. Tu me demanderas, moi je sais comment faire. Et bien moi ça a pas marché. Oh mon pauvre. Alors que du coup t'as plus l'agenda à jour avec les heures françaises. Et bien c'est ça. Écoute, voilà, si vous avez besoin, demandez-moi, hein. De toute façon, vous avez vu, il y a aussi le petit arrobase sur Twitter, quand on aura, vous demander quand, en MP. Quand on aura laissé l'antenne, comme tu dis, tu me diras, pour que je puisse... Je vais te débriefer, je peux vous donner les techniques, les astuces de geek. C'est ça, tu feras des tutos. Mais voilà, c'est ça, tu pourras faire des tutos, TikTok. En voilà. Short, TikTok, okay. Ouais, tu parles. Bref, on travaille nos danses, nos chorégraphies, vous savez, les histoires de doigts, comme ci, comme ça. Il va y avoir tout un tas de chorégraphies à apprendre avec ces nouveaux Knickerbockers. Et donc cette semaine, voilà, premier match dans la nuit de dimanche à lundi, et la semaine prochaine au Madison Square Garden, le début face aux Washington Wizards, ça promet. Et on aura aussi les Minnesota Timberwolves le 13, hein, c'est marrant ce calendrier, comme quoi il était peut-être prémédité. Deux matchs face aux Hornets, deux matchs face aux Wizards. Est-ce que c'est à ce moment-là qu'ils feront la vidéo Wizards. Tribute pour Karl-Anthony Towns, ou ça sera en saison régulière? Ils vont peut-être attendre un peu. Puis la vidéo tribute, ça sera là-bas. Ça sera... Ah oui. Par contre, est-ce qu'on va faire une vidéo tribute pour Julius le 13, pour Dante le 13? Ou est-ce que ça sera en saison régulière? Peut-être. Je ne sais pas s'ils font ça en pré-saison. Peut-être que les joueurs ne seront pas prêts, ne vont pas jouer. Peut-être qu'ils ne joueront pas. Ouais. Ouais, attendez la régulière. La régulière, voilà. Ce sera plus sympa, la régulière. Ouais. Bon, un programme de pré-saison, c'est surtout là pour tester les joueurs, pour tester les associations, pour donner du temps un petit peu aux rookies. On n'en a pas trop parlé. On parlera la semaine prochaine dans la prochaine émission sur KNF TV de Avenix Week, de nos projections, de rotation, qui va avoir du temps de jeu, tout ça. Mais on aura quelques peut-être indications avec ces premiers matchs de pré-saison. Ça va être intéressant de voir tout ça. On n'a pas parlé du Jersey aussi, City Edition. On se garde ça pour la semaine prochaine. Déjà, on a parlé, est-ce qu'on est fan ou pas du trade? Voilà. Mais voilà, on va retrouver nos Knicks, on va retrouver ce parquet du Madison Square Garden. Une petite programmation de pré-saison qui normalement doit laisser la place à quelques victoires faciles. Ouais, se remettre en jambes, quoi. Il faut se mettre en confiance parce que les premiers matchs de saison régulière vont être très hard. Ça va envoyer du lourd. Alors, on sait, on a déjà, enfin, le calendrier a été communiqué à la mi-août. Il y avait tout un tas d'affiches qui ont déjà été notées. Le retour d'Artenstein, le premier match, l'opening night à Boston, au TD Garden. Lors de la distribution des bagouzes. Des bagues, ouais. On va voir Porzingis prendre sa bague, Luke Cornette prendre sa bague. Ça va peut-être donner des envies à nos Knicks, hein, qui vont se dire, mais l'année prochaine, on le ferait bien. Après, ça, je crois qu'il n'y avait que Frankie qui les avait connus. Ah, peut-être Mitchell Robinson, remarque. Eh si, Mitch, il a connu... alors, je sais pas s'il a connu Porzi, mais il a connu Cornet, en tout cas. Il a connu Luke Cornette, c'est possible puisqu'ils avaient fait des vidéos un petit peu fun entre les deux, ça tourne un peu en forme de mème où tu vois la paire. Par contre, Porzi, il est parti avant la draft de Kevin Knox. Je crois pas que. Enfin, Mitchell Robinson, c'est la draft de Kevin Knox et si c'était cette saison-là, mais il était comment dire, il était convalescent, notre ami Porzingis. Il était dans le même roster, t'es sûr? Attends, Oui, je vais oui, aller. oui, oui, oui, oui, oui, Ouais? oui, oui, oui, oui, si, si, ils se sont côtoyés. Après, est-ce qu'ils ont joué ensemble? Non, il était en convalescence de sa grosse blessure, mais ils étaient dans le même effectif. Oui, Il est né si, sur si, dans le quoi? même effectif. 2017? 18, j'aurais dit, moi. 2017, 2018-2019? 18, c'est quand on tanque comme des porcs avec Fizdel, et puis Porzingis, il se dit non, c'est pas pour moi, moi j'ai des plus grandes ambitions, je veux mon contrat max et je veux jouer une bague. Ouais. Et c'est en courant de saison que qu'il part à Dallas, quoi. Ouais, donc ils se sont côtoyés, on va dire. Donc ça sera l'occasion de se retrouver. Mais en tout cas, voilà, un calendrier NBA qu'on aura l'occasion de détailler un petit peu plus tard, avec un début de saison qui s'annonce, comme tu l'as dit, plutôt sportif. Avec des affiches plutôt relevées en début de saison. Donc l'après-saison sera surtout là pour essayer Non, de Chris. remettre un petit peu tout le monde en jambes. 2017-2018, Kristaps Porzingis, c'est en 2017-2018. Et Mitchell Robinson n'est pas là. Il est drafté la saison d'après, c'est la Et draft il est avec Kevin Knox. en fait, c'est en février 2018 qu'il est tradé, Kristaps Porzingis. Et nous, en fait, on draft donc en juin ou en juin 2018, on draft Mitchell Robinson. Donc en fait, ils se sont pas Ah ouais, connus. autant pour moi. Autant pour moi, autant pour moi. Et, Ok, mais bon, par c'est pas contre, grave. ils ont vraiment. Par contre, Mitchell Robinson a vraiment joué avec Luke Kornet, par contre. Donc, c'est Le le fameux seul. Luc. C'est le seul, quoi. Ouais. Le fameux Luc. Le fameux Luc qui stoppe comme ça, là, à 15 mètres du mec pour. Ouais, mais le pire, c'est que ça marche, parce qu'il gêne visuellement ses adversaires, et même si c'est un peu rigolo lorsqu'on le voit comme ça a un effet, ça a un effet. Voilà, du R contre, du R bloc. En tout cas, voilà, ces Knicks sont de retour, la KNF est de retour. On va bien sûr se réveiller ou regarder ce match de pré-saison. On attend de voir qui sera aligné, quel joueur va avoir quelques minutes de jeu, quel système, quelles associations va-t-on avoir. Est-ce que Paco Mdadié, et oui, le rookie français drafté au premier tour par les Knicks, va avoir un petit peu de temps de jeu? Est-ce qu'il va avoir sa carte à jouer? Est-ce que Tyler Colec, qu'on a pu voir à Las Vegas, qui nous avait plutôt plu dans ce rôle un petit peu de TJ McConnell, nouvelle génération, est-ce que là, lui, va pouvoir avoir un peu de temps de jeu? Est-ce qu'on va pouvoir le voir contre les Hornets, contre les Wizards? Est-ce que ça va être le backup de Jalen Brunson? Est-ce que plutôt, ça serait Cameron Et Payne, le backup? est-ce que tu veux un dernier petit truc comme ça rigolo? Ben, bien sûr, On va on est là rentrer pour rigoler aussi. dans la 21e saison de LeBron James. C'est dingue. C'est dingue. Le roster des Knicks au premier Ah. match de la carrière NBA de LeBron Là, t'es James. dans le vintage. Ah ouais, et non, mais pour te dire, regarde ce qu'il a connu quand même. Écoute ce qu'il a connu des Knicks, Écoutez bien, écoutez LeBron. bien. Donc, le 5 de départ, c'était Charlie Ward, Alan Houston, Keith Oh. Van Horn, Kurt Thomas et Dikembe Mutombo. Dick. Et le banc, c'était Chandon Anderson, c'était Hayes-Leigh, Doléac, Ouf. c'était le Williams, là, je sais plus comment il s'appelait, il avait été drafté. Chandel. Chandel Williams? Non, Chandel Anderson. Alors l'autre, c'était Chandon Anderson, ouais. Et Ouais. évidemment, celui qui a été drafté cette année-là dans cette draft magique, mais nous, on récupère pas le bon, Sweetney. Et Oh. durant Mike l'hiver, Sweetney. Marbury, Penny Hardaway Et... et Tim Thomas arrivent en ville. Voilà. Donc, Depuis, Tim Thomas n'a jamais quitté la ville. Penny, oui. Et Marbury. et Nazar Mohamed aussi. Fait faire un Donc, tour en tu vois, Chine. LeBron James, quand il a commencé sa carrière NBA, il a connu ces Knicks-là. Il a connu Alan Houston jouer et il a vu, il a vu Stephen Marbury arriver aux Knicks. Non, mais c'est incroyable. Non, mais le mec, est-ce qu'on se rend compte? On a l'impression de parler du siècle dernier, mais effectivement, il y a une longévité Est-ce qu'on se rend compte exceptionnelle. quand même de ce type ou quoi? C'est fou. Non mais c'est dingue. Et il 21 va ans. jouer avec son fils. Il va jouer avec son fils dans la même 21 équipe. ans du plus haut niveau. On aime ou on n'aime pas, mais on peut être qu'admiratif de. De cette longévité et de cette carrière, c'est certain. T'imagines les Knicks Il qu'il a ne parle connus? pas encore de retraite. Il ne parle pas encore de retraite. Les Knicks qu'il a connus, c'est incroyable. Mais je pense que si tu fais ça avec toutes les teams, ça doit être fou en fait de regarder les rosters, de se dire, putain, il a connu ça, il a connu lui. Et oui, ça ne nous rajeunit pas, nous les fans des Knicks, mais fans de basket NBA au sens large. On se rappelle encore de ces années où on regardait le basket non pas avec un League Pass de cette qualité, on faisait pas d'émissions sur YouTube, et lorsqu'on ressort les vidéos en format SD, ça pique les yeux, mais voilà. Y a un petit on attendait les magazines sortir chaque mois pour voir les news. Voilà, on vous parlera de tout ça, de nos souvenirs d'adolescents, je sais pas, de jeunes hommes à l'époque. On a pris 20 ans plus tard, forcément. Basket, ça un peu. Tu regardais les résumés sur Basket USA, et c'est, Basket USA existait déjà. Donc tu allais sur Internet, tu regardais Basket USA, tu regardais les résumés. Eh bien, on les félicite aussi à Basket USA, Basket Session, Rivers et compagnie, à tous ces acteurs du basket qui continuent de faire vivre la NBA. Cette saison encore, on aura le basket NBA sur Bein Sport. Mm-hmm. Ça changera peut-être la saison prochaine. Avec Amazon. Donc profitez-en en tout cas de tous ces acteurs. On les remercie aussi de continuer de nous faire vivre cette passion. On vous remercie aussi, vous, adhérents, spectateurs, téléspectateurs, auditeurs, de continuer à être au rendez-vous de nos Avenix Week, de nos événements. On vous rappelle nos événements qui sont en cours, les main events, les deux voyages associatifs qui sont encore disponibles à l'inscription. Donc n'hésitez pas si vous voulez nous rejoindre et vivre cette saison qui s'annonce épique pour les Knicks. Peut-être que nous verrons les futurs finalistes, les futurs champions NBA. C'est l'occasion ou jamais d'aller voir ça de plus près. Je dis peut-être parce que je veux pas spoil, mais bon, en fait, je sais que... Okay. Et puis, ouais, effectivement, quoi de meilleur que de voir les Knicks champions NBA la 21e saison avant la lance de la retraite de LeBron. Ça pourrait être sympa. Donc, ne loupez pas ces occasions. En tout cas, nous, là, on sera au rendez-vous, quoi qu'il arrive, en virtuel, en physique, partout, pour vous parler de notre passion qui est des Knicks. Du clubisme, j'en sais rien. Du supportisme, sûrement. Supportisme non, mais... Supportisme, ouais. Du Knicksisme, sûrement. Du Knicksisme. À outrance, peut-être. Avec passion, raison, je ne sais pas. À vous de nous dire tout ça. En tout cas, on sera présent la semaine prochaine, même endroit, même heure. Peut-être sur un format un peu plus court. Là, on s'est fait plaisir pour la rentrée. On a été c'est bavard. Le Media Day. On voit ça large. Et puis en même temps, ils n'avaient qu'à pas faire un trade. On aurait été plus court, plus succinct. En tout cas, on vous remercie. Seb, Choubix, je te souhaite une très bonne semaine. Eh ben ouais, toi aussi. Et on se donne rendez-vous lundi prochain, même endroit, même heure. Et là, on aura du match à débriefer. Oui, oui, oui. On l'aura peut-être vu, on aura peut-être des petits yeux, mais on aura du match à débriefer. Allez, portez-vous bien. À Venix Week. Et à très vite sur KNF TV. Ciao, ciao. Ciao. Hé, vous attendez du dessous? Ah oui. On avait oublié. Allez, bonne semaine. À très vite sur KNF TV. Ciao.